quondam rexque futurus. Épisode 33, les merveilles de Rigomère. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Quondam, Rexque Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Et on vous retrouve aujourd'hui après un petit hiatus de par les circonstances circonstancielles de cette époque si circonstancielle. On vous retrouve pour vous parler de nouveau d'un classique de la littérature arthurienne, cette fois-ci un roman français qui montre des aventures de Lancelot, puis de Gauvain, d'autres chevaliers, assez classique dans sa formule. Mais on peut aussi vous mentionner un petit peu, disons, l'actualité arthurienne de ces temps-ci, parce qu'il y a eu 2-3 petites nouveautés. Effectivement, il y a pas mal d'événements. Bon, en même temps, c'est la dernière fois qu'on a enregistré un épisode, c'était en début d'année 2021, en février, quoi, février-mars. Entre-temps, il y a pas mal de trucs qui se sont passés, de trucs qui sont sortis, notamment la sortie du très anticipé film The Green Knight, qui reprend l'histoire de Gauvain et du Chevalier Vert, qu'on attendait depuis un bon moment. Et il est sorti cet été, je crois. Enfin, en tout cas, il est disponible assez largement depuis cet été. Donc, si vous voulez regarder un film extrêmement... on ne peut plus arthurien. On est vraiment dans le pile dans le... Comment dire ? Pile dans la cible avec The Green Knight. Est-ce que c'est enfin l'année du bon film arthurien ? Est-ce que The Green Knight, avec Dev Patel dans le rôle de Gauvain, a tenu ses promesses ? Bah, j'ai pas eu le temps de le finir encore. J'ai pas finalement pris beaucoup de temps pour regarder. En même temps, faut dire que je suis devenu papa cet été. Donc, passer de 3 heures à regarder un film arthurien en essayant de pas l'exposer à ma fille parce qu'elle, pour pas qu'on lui donne des images un peu trop bizarres trop tôt. Enfin, tu me diras, on pourra la biberonner avec ça, histoire de lui instiller les bonnes habitudes comme ça à 10 ans quand elle doit faire un book report, quand elle doit faire un exposé en classe. Elle dit alors je vais vous parler de Gauvain et du Chevalier Vert. le seul roman anglais arthurien. Avoir un peu... il y a quand même 2-3 autres qui ont... Il y en a 3 autres, mais c'est clair que dans le canon... C'est le grand classique du roman arthurien anglais, ça c'est sûr. Mais voilà, il est sorti cet été, il est disponible un peu partout, donc précipitez-vous dessus, on fera sans doute un épisode là-dessus. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres films arthuriens ou d'autres, éléments arthuriens qui ont retenu ton attention. Alors, on vous a déjà parlé du film Camelot. Il y a, disons, du côté de l'édition, il y a quelques textes ces dernières années qui ont été publiés, qui ont été un peu sortis de l'oubli, notamment Emanuele Arioli, qui lui, d'ailleurs, puisqu'on parle de cinéma, est aussi acteur. Il était dans un film qui était au Festival de Cannes, apparemment, récemment. Mais sur son temps libre, il édite aussi des manuscrits arthuriens. Disons, voilà, il a une double carrière. C'est un peu le genre idéal, si vous voulez. Il a édité Séguran ou Le Chevalier au Dragon, qui est un roman assez compliqué, qui est assez intéressant. C'est Séguran qui se lance dans la quête d'un dragon qui, en fait, est une illusion créée par Morgane. Donc, il voit un dragon bouffer des chevaliers, il se dit « je vais aller le tuer ». C'est très Perceval dans Camelot, en fait. Mais en fait, le dragon n'existe pas. Donc, il y a cette espèce de côté un peu, j'ai pas envie de dire postmoderne, mais disons, voilà, on joue un peu avec les perceptions. Le problème, c'est que c'est un roman qui a été repris par différents auteurs. Il n'a jamais été vraiment fini. Donc, vous avez... Il fait lui-même la comparaison avec un livre dont vous êtes le héros. C'est-à-dire, justement, il y a tellement de différences de manuscrits, de changements d'histoire. C'est un roman qui est entremêlé avec le roman qu'on appelle celui des prophéties de Merlin. Ce qui rend le truc encore plus compliqué, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas d'accord sur comment le cycle a été généré. Donc, l'année prochaine, on devrait vous parler peut-être de ces cycles en prose un peu tardives. Ce sera justement le problème, c'est qu'ils sont très mal édités, souvent pas traduits, je crois aucun d'entre eux est vraiment traduit. Mais Guiron le Courtois, les prophéties de Merlin, il y a aussi la quête 12599 qui a été éditée. On l'appelle ainsi parce qu'elle vient du manuscrit de la BNF 12599. C'est une quête... Damien de Carnet qui l'édite dit que c'est une quête tristanienne parce que Tristan est proéminent et que la tradition du Tristan en prose est un peu au premier plan, mais c'est une aventure de Gauvain et d'autres de Galahad et d'autres chevaliers qui commence un peu au milieu de rien, qui finit au milieu de rien. On imagine que peut-être le texte était plus long, qu'il a été abrégé pour tenir dans le manuscrit. C'est-à-dire le manuscrit où on trouve également La Folie Lancelot, qui était donc cette espèce de continuation de la suite du Merlin. Donc c'est un texte qui a un destin particulier, qui est assez intéressant, notamment parce qu'il y a beaucoup, pas forcément d'humour, mais les chevaliers rigolent beaucoup. Il y a quelque chose qui est assez marquant dans le ton du déroulement. Il continue en fait le portrait qu'on avait dans la quête post-Vulgate, où vous savez, Gauvain devient cette figure presque maléfique en fait, où vraiment Gauvain est déshérité par Arthur à un moment. Arthur dit littéralement qu'il veut confier le royaume à Lancelot. Donc, ce que Alexandre Astier avait bien entendu récupéré dans son canon. Camelotien. Mais c'est-à-dire que Gauvain et ses frères, c'est encore pire. Enfin, là, ça devient vraiment des violeurs. Donc, il y a toute cette tradition un peu négative sur eux qui se condense. Il y a la quête qui devient encore plus mondaine. C'est-à-dire que vous avez vraiment Galad, ce qu'on avait vu dans la quête post-Vulgate, mais là, encore plus. Alors, est-ce que c'est inspiré? Probablement pas, mais probablement que ça fait partie de la même dynamique, on va dire. Donc, ces deux textes qui étaient assez intéressants, que j'ai récemment essayé de connaître, on va essayer de vous en parler l'année prochaine. Le gros problème, c'est qu'on arrive dans un territoire où on peut même plus vraiment vous dire, voilà, il est traduit à tel endroit, parce que du coup, ils sont plus du tout traduits. La quête 12599, je la lis en ancien français, pour moi, c'est assez difficile, j'ai pas vraiment de formation là-dedans. Donc, voilà, on arrive dans un territoire où on va vous parler d'histoires où ce sera difficile de vous les recommander. J'ai aussi commencé à lire un petit qui s'appelle Artus de Bretagne. Alors ça, j'aime beaucoup pour le titre. En fait, on s'attendrait à ce que ce soit un texte arthurien et ça l'est plus ou moins, mais ça parle pas d'Arthur. Ça parle d'un type en Petite-Bretagne, donc en Bretagne française, qui s'appelle Artus. Donc pour moi, c'est vraiment l'équivalent, vous savez, des DVD dans les supermarchés qui essayent d'imiter les films Disney, les bootlegs où c'est genre là, après que vous ayez eu Frozen, il y a plein de gens qui ont fait des adaptations de La Reine des Neiges dans l'espoir que les gens l'achètent accidentellement en croyant que c'était Frozen. Bah pour moi, c'est un peu ça. Genre le type, il a intitulé son roman Artus de Bretagne pour essayer de donner l'impression que c'était arthurien. Ces textes, donc il y a quand même pas mal de choses qui se passent ces derniers temps. L'année passée, il y a aussi une édition de Guiron le Courtois, donc un long roman, un de ces longs romans tardifs qu'on dit que ça s'appelait aussi le roman de Palamède, qui se passe au temps des pères des chevaliers habituels. Donc vous avez Guiron le Courtois, Uther Pendragon, le roi Ban, Meliadus, le père de Tristan, qui ont des aventures. Et il fait partie aussi avec, dans les autres romans qui ont été édités, il y a eu le Yvain en prose, qui porte assez mal, enfin peut-être assez mal son nom, disons il a six branches qui sont assez différentes, qui sont pas toutes centrées apparemment sur Yvain. Et vous avez d'autres romans encore, alors ceux-là je sais pas s'ils ont été vraiment édités, mais Isaïe le Triste, qui parle d'un descendant, d'un petit-fils de Tristan et Iseux, qui est presque un peu post-apocalyptique, c'est-à-dire que comme Guiron le Courtois se passait avant les aventures de la Table Ronde, là vous avez Isaïe le Triste qui se passe après, donc après la chute de la Table Ronde, dans un monde assez glauque. C'est vraiment un roman très sinistre. Et vous avez d'autres histoires encore, comme le Perse Forest, qui est aussi un de ces très longs cycles, probablement le plus long texte en moyen français, qui lui parle de comment la chevalerie aurait été fondée en Bretagne par, basiquement, Alexandre le Grand, enfin, général d'Alexandre le Grand, et comment elle aurait survécu au fil des siècles. Donc ça mêle l'histoire antique, donc on a Jules César qui envahit sa tentative d'invasion de la Bretagne, avec l'histoire légendaire, donc les rois légendaires de la Gaule, etc. Un peu une forme en prose française de Geoffrey, finalement. Le même genre d'ambition. Non, c'est ça. C'est attachement à une histoire antique, fantasmée. Bon, sauf que là, c'est plutôt Alexandre le Grand que Troie, mais on est dans la même idée, quoi. Non, il y a clairement une reprise de ça. Et ça, c'est un peu le problème de ces cycles tardifs. C'est que le Perse Forest, par exemple, si vous le mettez sur une table, juste l'édition en moyen français, donc c'est du français assez tardif, c'est plus facile à le lire que c'est peut-être parfois plus facile à le lire que Chrétien de Troyes, c'est sûr, mais quand il est sur la table, vous vous dites, bon, c'est quand même des bons milliers de pages à vous engoncer. Donc ça va être un peu le défi pour nous d'aborder la suite. Donc il y a le problème de la désorganisation de nous ces derniers temps, on a moins de temps, mais aussi le problème qu'on arrive dans un territoire qui est beaucoup moins cartographié, il y a beaucoup moins de consensus, notamment, là je vous ai parlé de la quête 12599, les prophéties de Merlin, Ségurant, le chevalier au dragon, Guiron le Courtois, c'est pas du tout clair, il n'y a pas vraiment, tous ceux qui bossent sur ces textes ont des opinions un peu différentes sur lequel était là en premier, quelle tradition a donné naissance à quoi, ce qui n'est pas forcément crucial, mais quand en plus c'est des textes qui sont très longs, comment naviguer cette tradition quand même pour les spécialistes, c'est pas forcément clair et qu'on n'a pas forcément d'édition définitive de ces textes, souvent, ou alors on l'a depuis quelques années à peine. Ou alors parce qu'on n'a simplement pas beaucoup de témoins manuscrits. Il y a une tradition manuscrite beaucoup plus faible pour... typiquement, la caisse dont tu parles, la raison pour laquelle elle a un numéro dans son titre, c'est pas parce qu'on est dans un post-apocalyptique, un de ces Kaamelott 3000, Kaamelott 3000. Marvel 2066, je sais pas quoi. C'est parce que c'est le numéro de son manuscrit. Et c'est vraiment un texte qui est défini par un manuscrit. Comparé à Chrétien, dont on a des dizaines de manuscrits, les cycles en prose qui existent dans des tas de versions. Bon, on vous a parlé de quelques petits romans, mais c'est pas tout à fait la même chose. Quand c'est un petit roman qui existe dans un manuscrit, ça reste plus ou moins circonscrit. Là, on parle de traditions en prose qui sont très vastes, parfois très éloignées, et qui pourtant n'existent que dans un seul manuscrit. Donc c'est très difficile de se rendre compte d'une ampleur réelle, ou même de si on a des doutes sur l'édition, comment ça se rattache à d'autres légendes très difficile à dire avec un seul manuscrit. Donc ça rend la tâche encore plus compliquée et les travaux d'édition plus complexes finalement. Enfin, plus facile par certains aspects, disons. Oui, c'est ça, il n'y a pas à choisir. Plus complexe entre plusieurs leçons, mais au moins... Mais quand vous avez plusieurs leçons, si vous avez une incertitude, un texte qui est corrompu ou des trucs pas clairs, vous êtes... shit out of luck. Non, c'est ça, ça peut être la quête 12599, c'est justement, il y a un seul manuscrit. Les autres cycles, c'est un peu le problème justement de Ségurant, c'est que c'est un livre dont vous êtes le héros, donc c'est même pas clair, je veux dire, c'est même pas clair quelle version... Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un texte fini? Clairement, les continuations qui ont été faites, elles n'ont pas été faites par les mêmes personnes. Il y a même une version où je vous ai dit le dragon il n'existe pas. Il y a quelqu'un qui a fait une version où Ségurant, en fait, il rencontre le dragon puis il le tue. Parce qu'il s'est dit, en fait, c'est embêtant cette histoire. J'aime bien le concept du dragon, mais j'aimerais bien, en fait, enlever le seul truc original de cette histoire et puis faire l'histoire la plus bateau possible avec lui. Alors, Ségurant Stan. C'est un peu... Et puis justement, Guiron le Courtois, c'est aussi une tradition manuscrite assez compliquée, c'est-à-dire on pense que le texte a été réécrit à différents stades d'écriture. Et puis en fait, ce qui devient un peu frustrant et qui est probablement significatif de cette période, c'est que les textes sont de moins en moins finis. Ségurant ou les prophéties de Merlin, par exemple, on n'est pas complètement sûr d'avoir quelque chose qui... On est peut-être justement, pour certains de ces textes, on est peut-être dans un stade où quelqu'un est en train d'élaborer un cycle. Et peut-être que c'est un peu, par exemple, on peut imaginer le Lancelot Graal, avant sa rédaction finale, il avait peut-être ressemblé à ce genre de choses. Peut-être que ces textes circulent un peu dans le même milieu, mais ils n'étaient pas faits forcément pour être envisagés comme des cycles complets. Peut-être qu'on a perdu la fin ou simplement que la fin n'a jamais été complètement rédigée. On ne sait pas exactement, mais disons, on n'a plus ces cycles canonisés où il y a un texte fixe avec des variantes, mais par exemple, généralement dans ces textes, les épisodes changent pas trop d'ordre. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des épisodes qui sont enlevés, vous avez des embranchements qui sont différents, mais la structure du texte, bon, vous allez réussir à en faire une comme ça. Avec des textes comme Ségurant, c'est plus du tout le cas. Donc, c'est une autre époque, c'est plus difficile à aborder, plus compliqué, plus difficile pour un lecteur moderne de dire voilà où vous pouvez vous diriger si vous lisez pas l'ancien français. Et il n'y a pas forcément de consensus. Donc on va essayer probablement d'aborder un peu ça l'année prochaine, mais ça va être un peu plus difficile. Ceci étant dit, je vous propose qu'on aborde celui qui va être le plat principal d'aujourd'hui, Les Merveilles de Rigomère. Alors, Les Merveilles de Rigomère, c'est un texte, comme on l'a dit, c'est un texte en vers, assez traditionnel, un peu vieux jeu, en fait, d'ici sa date de publication, d'écriture, il date probablement autour de la moitié du XIIIe siècle, plus ou moins. C'est un roman qui a, on l'a dit, pour héros principal, Lancelot d'abord, puis Gauvin. Et peut-être inhabituellement, en fait, pour un roman français de ce stade, parce que normalement, c'est un peu Lancelot qui est censé devenir le nec plus ultra de l'héroïsme arthurien en France. Mais il y a une réticence par rapport à Lancelot dans ce texte. Ce n'est pas lui, la fleur de la chevalerie, même s'il a une bonne réputation. La fleur de la chevalerie, c'est plutôt Gauvin pour Les Merveilles de Rigomère. Le roman entier fait un peu, d'ailleurs, le The Chad Gauvin contre le The Virgin Lancelot, dans l'ensemble. Les Merveilles de Rigomère sont, en fait, une espèce de, disons, de comment tu dirais ça, Laïs, un gauntlet de merveilles, c'est-à-dire de prodiges arthuriens auxquels les chevaliers vont devoir faire face, qui se trouvent dans un coin un peu isolé en Irlande, et elles ont la réputation d'être si sournoises et sinistres que seuls les ducs et les chevaliers, seuls les ducs et les rois, pardon, peuvent s'y rendre et en revenir, mais ils sont même pas capables de raconter ce qu'ils y ont vu, donc c'est vraiment ce côté un peu terre de légende, un peu mystérieuse, où on va aller se frotter vraiment à des espèce de miracle un peu sinistre pour prouver sa valeur. Et tout le monde conseille donc à Lancelot, non mais n'allez pas à Rigomère, il faut surtout pas y aller. Tous ceux qui sont allés, il n'y a personne qui en est revenu. Tous ceux qui sont partis, personne qui en est revenu. Et puis Lancelot, bien sûr, ne veut pas se laisser décourager, ça lui donne encore plus envie d'aller à Rigomère. Et en fait, il va se retrouver coincé là-bas, pas à cause d'un enchantement, et c'est justement Gauvin qui va devoir aller le secourir. Il y a d'autres aventures ensuite, notamment le roman est relancé, donc ce premier cycle d'aventures avec Lancelot, Gauvin ensuite se lance dans les aventures, et puis il y a même la fin du roman, une espèce de troisième tiers, probablement une rédaction tardive ou un rajout où c'est Arthur qui part en aventure pour... Ouais, ça fait un peu... on essaie de faire une suite, en fait, un peu impromptue, qui colle pas tellement. Marius Chenery qui édite le roman... Enfin, qui a traduit le roman, pardon, pour dans la fameuse collection, enfin, la fameuse anthologie, bouquin... La légende dont Arthurienne. On vous parle souvent, la légende arthurienne, le Graal à table ronde. Dont on vous parle souvent, elle estime elle que c'est probablement une rédaction effectivement plus tardive qui tente de rajouter une suite à un roman à succès, parce qu'autrement c'est vrai qu'il est assez, il se conclut assez naturellement en fait si on en reste à la fin disons standard du roman. Oui, on ne va pas forcément vous parler de ce tiers-là. Il est peut-être intéressant en fait parce qu'on vous a dit régulièrement que justement dans la tradition des romans français, c'est généreux parce que le roman, y compris cette dernière partie, fait 17 270 vers. Et ce tiers-là dont tu parles, c'est vraiment les, je sais pas, 1200 lignnes. Donc oui. C'est pas un tiers en termes de quantité, quoi. Mais... D'ailleurs, cette dernière relance, elle n'est pas dans tous les manuscrits, puisqu'en fait, il y a deux. Actuellement, on a un manuscrit, qui est le manuscrit 472 du château de Chantilly. Mmh. Donc, cette fameuse collection médiévale hein, qui fait partie des. C'était le duc de Mornay, je crois. Qui a sauvé 5 romans arthuriens à lui tout seul. Voilà. Il y avait un autre manuscrit à Turin qui a été. La bibliothèque de Turin, on vous en a déjà parlé, mais je ne sais plus dans quelles circonstances, qui a été incendié en 1904. Mm-hmm. Et l'autre manuscrit a disparu et il y avait cette relance dedans. On lui connaît un auteur parce qu'il y a un Jean. Mm-hmm. Qui est nommé comme auteur à deux reprises, mais on n'est pas très clair. On n'a pas d'autres informations que le fait qu'il s'appelle Jean. Donc, voilà. Et comme c'est un nom très... Alors, c'est pas un nom super rare en plus. Donc. Voilà, donc c'est un peu difficile de dire si c'est vraiment un auteur particulier. Donc on considère généralement que l'auteur est, disons, au moins pseudonyme, sinon ouais. Anonyme. Et donc ce manuscrit, dans cette seule édition, a connu une édition... Enfin, a connu, pardon, plusieurs éditions, mais une seule traduction en français... Mmh. Qui est cette fameuse traduction de Marius Chenery dans la collection bouquins. Donc si vous voulez le lire en français dans le texte, c'est votre seule option. Il fait 80 pages. Il y a des passages abrégés. C'est vraiment abrégé. Hein, il y a des passages abrégés, donc les passages répétitifs, les gens qui vont revivre les mêmes aventures, on va vous les couper. Tout le segment final justement sur Arthur, on l'abrège en un tout petit paragraphe. Ça fait du coup 80 pages, 80 pages où vous avez quand essentiellement, même... Essentiellement sur Lancelot, Marius Chenery voit ça comme un roman de Lancelot, comme deux romans en fait. Un roman de Lancelot, puis après un roman de Gauvin. Moi je trouve que c'est peut-être un peu abusif, mais il y a après des éditions... Est-ce qu'il y a une édition récente? Je ne crois pas qu'il y ait vraiment d'édition très récente. Il y a eu des éditions italiennes, mais autrement. Voilà, c'est ça. En français, il y avait eu l'édition de. Enfin, il y avait eu une édition. Disons, il y a eu comme souvent 4 éditions allemandes. Donc la haute critique allemande qui s'amusait à éditer ces textes, qui était forcément. En fait. Comme c'est l'édition du texte, que ce soit fait par un Allemand ou pas, on s'en fiche un petit peu. Le texte, il est toujours en ancien français. Et il y a eu une réédition par Margherita Lecco en italien. Deux éditions, en fait. Une édition traduction, je crois, en 2004 et en 2013, en italien, du coup. Et en français, comme on l'a dit, c'est la seule traduction dans la légende arthurienne. Donc pour le lire, pour vous, c'est évidemment ça le plus simple. Mais si vous lisez l'italien, effectivement, il y a peut-être aussi cette édition-là. Ou vous pouvez lire l'ancien français, si vous préférez. Voilà, c'est... Marius Chenery accumule un peu les adjectifs qui ont été associés avec ce texte, qui sont composition échevelée, développement pesant, filandreux, rapidement monotone. Elle est un peu plus indulgente, parce qu'elle trouve le roman... assez intéressant parce qu'il y a quand même des fils conducteurs, on n'est pas on n'est pas dans le Tristan en prose, elle dit. Ouais. Effectivement, c'est pas aussi complexe, mais je pense que ça, là, je m'en suis rendu compte aussi que c'était pas. La façon dont elle présente le texte, effectivement, est assez simple, mais je pense que c'est parce qu'elle coupe quand même beaucoup de répétitions, et surtout, à mon avis, à la fin, ça doit vite devenir compliqué avec les aventures des chevaliers qui accompagnent Gauvin, qu'elle passe sous silence à part une petite aventure de Cligès. Même les aventures finales avant le mariage à la fin, là, c'est, vous allez voir qu'on commence à avoir un peu de peine à comprendre qui fait quoi, comment. Bon, assez typique des romans arthuriens. Je pense que c'est aussi le symptôme où, quand les arthuriadistes parlent de la légende arthurienne en général, ils sont là, oui, l'imaginaire, le merveilleux qui immerge, la beauté de cette créativité. Puis quand ils éditent un texte, c'est toujours là, monotone, répétitif, bâclé, un comique abrutissant. Enfin, c'est toujours, quand ils en parlent en général, il y a la beauté. Ça. Et puis quand on parle en particulier, genre, ouais, c'est... Ouais, bah, peut-être ils ressortent juste les grands adjectifs pour parler de chrétiens et des versions en prose, puis après le reste, c'est tout ce qui n'est pas chrétien, c'est un peu... Il y a toujours notre grande guerre sur le fait que, ben voilà, on dit, oh, c'est un texte qui est un petit peu parodique, enfin, comme on l'a déjà dit. C'est chaque fois qu'on parle d'un texte, on dit, oui, c'est un petit peu parodique. Bon, c'est des textes qui, en général, manquent pas d'humour, puis donc, au bout d'un moment, si tous les textes ont des éléments qui touchent à la parodie, au ridicule, au grotesque, etc., est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est parodique, ou bien est-ce que ça fait aussi partie du genre? C'est une convention du genre d'être un peu satirique sur les chevaliers, en fait. Ouais. Je pense que c'est... Après, il y a aussi le problème de l'édition, de la traduction de Chenry, c'est que en fait, l'essentiel de son texte est consacré aux aventures de Gauvin, de Lancelot, pardon. Il se termine à 15 pages de la fin, Lancelot est encore pas arrivé à Rigobert. Et ça occupe, en fait, dans le manuscrit, 6000 lignes, à peu près. 6500 lignes. Et puis le reste des aventures de Gauvin en lui-même, donc sans la relance finale et tout, elle considère que ça occupe les pages 6400, les lignes 6400 à 14700. Donc il y a à peu près 8000, enfin presque une fois et demie plus qui est consacré à Gauvin, mais elle y consacre peut-être quoi, 15 pages à la fin. Quoi. Mm. Donc pour vous donner une idée, on parle vraiment de la répétitivité, le complexe se trouve, est quand même bien réel dans le manuscrit. Simplement, l'édition que vous lirez, si vous lisez dans la traduction française, elle est notoirement bien plus courte et bien plus, disons, bien moins... bien plus simplifié par le fait qu'on se concentre sur cette aventure de Lancelot, qui est peut-être celle qui est le plus intéressante aussi, parce que je pense que je crois que les aventures qui de la deuxième partie sont quand même des répétitions souvent de ce qui est arrivé à Lancelot, plus ou moins. On peut parler un petit peu plus justement de l'histoire en général. On a dit, voilà, Lancelot, il enchaîne les aventures parce qu'il y a une dame qui invite les chevaliers, les gens à venir dénouer les enchantements de sa dame, mais sans jamais dire le nom du royaume. Lancelot, il enchaîne les aventures en la cherchant, il découvre progressivement que c'est Rigomère. Il essaie d'obtenir des informations dessus, mais tout le monde essaie de le décourager. Donc, ils lui disent effectivement, soit les gens reviennent pas, soit ils reviennent mutilés. Donc, il y a cette idée aussi que les gens reviennent, genre, handicapés, blessés avec des séquelles. Et effectivement, une fois qu'il parvient à Rigomère, malgré ses succès, donc on a ces espèces d'épreuves un petit peu, peut-être pas initiatiques, mais disons, ils doivent faire des combats pour accéder à cette terre. Il y arrive plus ou moins, mais là, il y a un piège et il se retrouve... ensorcelé et enchanté, et il oublie la raison de sa venue, donc on va le retrouver un peu hébété, puis d'ailleurs qui a pris pas mal de poids dans les cuisines de Rigomère, et il n'est pas, pour une fois, il n'est pas le chevalier attendu, et c'est Gauvin qui apparemment est l'élu qui va briser les enchantements de Rigomère. Donc il y a quand même cette logique qui peut-être, alors ça c'est toujours un débat, c'est cette logique du chevalier attendu qui doit accomplir la destinée, etc. On avait vu ce qu'on appelait dans la tradition de la quête du Graal les aventures rituelles, c'est-à-dire que Galad, quand il libère un enchantement, c'est pas parce qu'il est le meilleur, mais c'est parce que c'était lui qui était attendu. Et du coup, la délivrance, elle est un peu automatique. Là, c'est un peu... est-ce que c'est une influence de ça? Mais en tout cas, voilà, Gauvin est celui qui peut accomplir cette prouesse. Il y a quelques particularités dans l'histoire. On parle de la terre de naissance de Lancelot comme étant Gavonie. Alors, je ne sais pas exactement à quoi ça renvoie. Gaul, qui Gaune, Gaone, peut-être Gaune, le nord de la... parce que c'était la terre de Bohort, donc peut-être Gavonie-Gaune. Les combats, on vous en parle régulièrement, mais chaque auteur a un peu un style différent sur ce qu'il souligne dans les combats. C'est souvent très répétitif, donc tous les combats se ressemblent. Mais il y a des auteurs, c'est plus les gens, ils se transpercent. Il y en a d'autres, c'est les gens, ils se font tomber par terre, puis après ils se battent jusqu'à ce qu'ils mettent en lambeaux leurs armures. Il y en a, c'est plus... Alors là, l'auteur, il insiste beaucoup sur les parties du corps qui sont tranchées. Ce qu'on trouvait aussi dans d'autres romans, comme Geoffrey, etc. Mais là, par exemple, le nasal de l'armure va être tranché, le pied, souvent les coups vont rater le chevalier puis s'abattre sur le cheval et le trancher. Il mentionne beaucoup la peinture écorchée sur les écus, donc quand ils se battent et puis que ça écorche la peinture, donc un petit détail concret. Et il mentionne beaucoup aussi le haubert presque impénétrable de Lancelot qu'il préserve des coups. Tout le monde veut voler l'équipement de Lancelot, c'est un truc que j'ai remarqué dans les différentes aventures. Apparemment, les gens pensent souvent à allez, on va s'emparer de son. Ce qui se retrouve dans certaines histoires, je sais plus laquelle on avait vu, où c'était justement, je crois que c'était Gauvin qui arrivait à manger chez des gens, puis il disait on va le dépouiller, ou c'était quelque chose qu'on trouvait aussi. Mais là, justement, Lancelot arrive chez des gens qui se disent on va le braquer parce qu'on est en nombre supérieur, et puis justement le prendre. Au niveau des rapports, on va dire, petit avertissement où on va parler justement notamment de viol ou en tout cas d'agression sexuelle dans cette tradition littéraire. Là, je trouve qu'il y a une espèce de culture du viol beaucoup plus frontale que d'habitude. Oui. Le problème de, par exemple, il y a un chevalier qui s'appelle Savary qui rapte une femme qui s'appelle Fleur Désirée et qui veut basiquement la violer, mais apparemment le problème c'est que il a pas envie de l'épouser après. C'est pas tant qu'il la kidnappe, c'est juste que non, mais il a pas envie de l'épouser après, donc c'est là le problème. Pareil, il y a une fille kidnappée et son père la donne en mariage à qui arrive à la ramener. Donc au fond, c'est un peu bon, si vous arrivez à la kidnapper à son kidnappeur, vous pouvez la garder, quoi. C'est plus front, enfin c'est disons un peu plus on va dire outrancier que dans d'autres textes qu'on a pu regarder. Il y a un passage assez intéressant où Lancelot dit qu'il n'aura jamais une occasion d'aider les pucelles et les veuves, et c'est assez intéressant parce que justement du coup les femmes mariées, en fait tu peux pas les aider, quoi, elles sont pas besoin de les aider, il y a pas besoin de les aider, elles sont mariées. Non, c'est ça, c'est les deux problèmes principaux sont elle a un bonhomme, donc ça c'est... tout est parfait dans le meilleur, tout fait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Non, ça m'a frappé aussi en lisant ça. Puis vraiment, une façon assez crue d'aborder la chose, quoi. C'est pas du tout éludé et d'ailleurs, à un moment apparemment c'est particulièrement hypocrite d'ailleurs, parce qu'il y a, je crois que c'est ce qui arrive avec le personnage dont t'as dit. Lancelot se parvient à battre et à récupérer, à faire en sorte que Fleur Désirée ne soit pas justement violée. Et après, du coup, le son père lui dit ah, vous pouvez faire ce que vous voulez d'elle, vous pouvez l'épouser, ou si vous voulez juste pour la nuit aussi. Donc, c'est le même problème finalement. Mais non, là ça passe, c'est Lancelot. C'est Lancelot, c'est un peu. C'est assez glauque. Il y a un passage aussi où justement Lancelot la ramène parce qu'il l'a enlevé à son kidnappeur, et puis il y a des chevaliers qui commencent à attaquer Lancelot parce qu'ils disent ah, vous l'avez kidnappé, je la ramènerai. Puis il dit mais non, je l'ai pas kidnappé, je la ramène chez elle. Puis il y a Fleur Désirée qui dit non, mais c'est bon, il m'a pas kidnappé, c'est bon, tout va bien, etc. Et puis les chevaliers n'en démordent pas, enfin écoutent même pas ce qu'elle est en train de dire. Est-ce que c'est Fleur Désirée ou c'est l'autre fille qui l'a kidnappé? Peut-être l'autre fille alors. Vous comprenez, vous verrez, c'est assez ça se passe pas mal. Aussi beaucoup de brigands d'ailleurs dans ce texte. Hein. Dans ce texte, oui, j'ai noté. Alors je sais pas exactement dans mes notes. Alors je sais pas exactement à quoi exactement je fais référence, mais j'ai juste noter trailer de film d'action parce que dans un monde non, mais il y a de ça, il y a un peu vraiment à la fois des côtés, il y a des miracles, des meilleurs chevaliers, mais il y a beaucoup beaucoup plus de brigands, beaucoup plus de, on insiste beaucoup plus sur le statut social un peu plus défavorisé des gens que rencontre Lancelot. Il y a des seigneurs et des chevaliers aussi, il y a peut-être des préjugés sur l'Irlande d'ailleurs, vu qu'on, oui, est parce censé que être ça se passe pour l'essentiel en Irlande, on vous l'a pas dit. Mais Rigomer se trouve effectivement en Irlande, il doit traverser un bras de mer en Cornouailles pour aller en Irlande. C'est marrant parce qu'il y a un peu cette impression qu'en Bretagne, il n'y a pas grand-chose. Enfin, c'est assez uneventful, disons, il ne se passe pas grand-chose quand il est sur le chemin de la Cornouaille. Mais dès qu'il passe le bras de mer et qu'il est en Irlande, c'est vraiment... C'est le Far West, l'Irlande. Oui. Ce qui reflète peut-être aussi un peu une réputation qu'a Lille à cette époque-là. L'Irlande d'ailleurs qui est abordée de façon, on le mentionnera quand ça arrive, mais... relativement, c'est assez curieux, il y a un mélange d'endroits tout à fait réalistes. On parle à un moment de Lancelot va en Connacht, donc je la dis, terre de Connard, Connart selon la traduction de Chenry, ce qui me semble assez clairement être l'ancien royaume de Connacht, donc là où il y a le Connemara actuel. Par contre, il va aussi à Cork, écrit Q-U-E, mais il va à Rigomer, je pense pas que ce soit dévié d'un nom irlandais, donc c'est un peu ce mélange de noms qui sonnent à moitié correct, de tout à fait authentique ou tout à fait authentique, et d'endroits un peu fictifs qui ont l'avantage de sonner un peu étranger. Mais une géographie assez curieuse aussi, parce qu'il fait vraiment un tour un peu bizarre à travers l'Irlande, si on se fie aux quelques noms qu'on peut reconnaître. Mais il y a ce côté un peu exotique, effectivement, qui s'inscrit là-dedans, parce qu'on n'est pas en Bretagne même, ou en Bretagne continentale, qui sont peut-être un peu plus familières pour le public des merveilles de Rigomer. On va gentiment commencer notre résumé un peu de l'histoire, qui est un peu la tradition de ce podcast. Avec l'histoire, justement, les aventures qui commencent justement en mai, cette fois-ci, en général, c'est toujours fixé un certain repère calendaire, où le roi Arthur et ses chevaliers se trouvent à Carlion, qui est un des sièges traditionnels de sa cour, depuis 5 jours. Ils sont prêts à se mettre à table, mais voulant respecter les coutumes habituelles, ils attendent, donc c'est ce motif que vous connaissez, ils attendent qu'une nouvelle aventure surgisse pour commencer à manger. En regardant au loin, ils aperçoivent une jeune fille montant un magnifique cheval dans la plaine, et ils disent « Ah, super, on va enfin pouvoir bouffer !» Elle apporte un message à la cour, on l'accueille, on la conduit auprès du roi, et c'est à ce moment-là qu'elle critique la paresse du roi et de sa cour, donc là, elle les attaque, et elle les défie les plus audacieux des chevaliers d'aller conquérir le fief et le pays de sa dame lors d'une quête périlleuse. Alors, une fois que la jeune fille est partie, les chevaliers sont un peu désemparés, ils se mettent à sa poursuite, mais ils n'arrivent pas à la rattraper, ils rentrent vaincus à la cour, et tous les chevaliers ayant échoué, Lancelot du Lac promet à la reine qu'il ne reviendra qu'après avoir retrouvé la jeune fille. Donc là, on a quand même un lien entre Lancelot et puis, en termes de Lancelot comme chevalier de la reine, même si on n'aborde pas forcément ce oui, il n'est pas tellement... Il y a très peu de références avec une éventuelle amourette entre lui et Guenièvre, hein, dans Les Merveilles de Rigomère. Mmh. Et donc Lancelot commence sa quête, il se rend rapidement compte que le voyage va être dangereux, il rencontre un ermite qui lui donne des renseignements sur la jeune fille, qui lui révèle qu'elle est déjà, trop loin, il va pas pouvoir la rattraper. Il lui dit qu'il peut l'héberger, par contre, donc il l'héberge. Après l'avoir quitté, Lancelot parcourt la Bretagne, l'Angleterre et le Pays de Galles, donc la totale, l'Écosse, puis il arrive en Cornouailles après une trentaine de jours. Ça fait un drôle de tour à travers... ça fait la carte Indiana Jones avec le trait qui zigzague dans tout le pays. C'est un peu ça, oui. Et après s'être ravitaillé, il quitte les Cornouailles et il arrive enfin en Irlande. Et la faim et la soif le torturent. Donc là, il arrive dans un royaume qui est justement... Il y a aussi cette idée justement qu'il ne va pas pouvoir se ravitailler aussi facilement. Il n'y a pas cette idée d'hébergement chez des vavasseurs ou comme ça. Cette hospitalité, cette société-là, elle n'existe pas apparemment en Irlande. Donc il regrette d'avoir quitté son pays. Et comme il n'arrête pas de se tromper de chemin, il finit par trouver un château fort, une demeure fortifiée, occupée par des voleurs qui s'appellent le Rude Travers. Donc il porte bien son nom, et qui est réputé pour être impassable. Donc les gens qui la défendent, s'il y a quelqu'un qui la défend, vous n'arriverez pas à l'assaillir. On lui prend son cheval et ses armes, donc il se dit bon voilà, c'est standard, et on l'invite à manger, mais on ne répond pas à ses salutations. Donc il dit bonsoir, les gens ne lui répondent pas, il se dit bon, ils sont mal polis. Les brigands racontent que la fleur désirée va leur être livrée le lendemain. Donc on ne sait pas encore qui est ou ce que c'est cette fleur désirée. Et ils disent, et puis Lancelot, le chevalier qui est là, il va repartir dénudé et dépouillé, on va lui prendre ses armes. Alors Lancelot, ça ne lui plaît pas, mais il est désarmé, alors il ne peut pas faire grand-chose. Et une fois au pied de la montagne, il erre avec un pieu de clôture autour du cou, donc il l'a ramassé pour se défendre au cas où. Et il maudit les voleurs. Mais il se reprend, et je cite, « Il prie Dieu de les anéantir et de les précipiter en enfer, mais il se reprend. Il ne faut pas que je parle ainsi. Maudire est une piètre vengeance. Dieu les garde jusqu'au jour où je pourrai me venger dignement. » Donc ça, je trouvais que c'était un passage assez marrant où il dit « Non, finalement, Dieu les garde jusqu'à ce que je puisse me venger. » Il arrive au château de Pavongay, mais ne voit d'abord que des enfants, puis la population qui est groupée autour de l'église, autour d'un vieux seigneur, qui lui raconte que sa fille est la fameuse fleur convoitée, la fleur désirée par les brigands, et qu'il va devoir la leur céder s'il ne trouve pas un champion pour se battre contre un nommé Savary, qui est le chef des brigands. Il préfère y aller lui-même et mourir, plutôt que de ne pas combattre du tout, mais Lancelot lui dit qu'il la défendra. Et après avoir été équipé, il se rend au duel. Savary confirme qu'il veut la fille que pour son plaisir sexuel et même pas pour l'épouser, donc ça c'est vraiment le truc qui le rend impardonnable. Si encore il disait oui je l'épouse après c'est bon, on pourrait discuter, mais là vraiment pas. Lancelot le défie, le combat est très rude, mais Lancelot gagne du terrain, il lui révèle son nom jusqu'à l'avoir à sa merci. Il semble accepter d'épouser la fille, donc c'est, encore une fois c'est vraiment ça l'enjeu du combat, hein. C'est pas la violence, le désir sexuel, etc. Machin, c'est, il refuse de l'épouser après. Mais Lancelot veut qu'il reconnaisse aussi sa défaite, ce qu'il refuse de faire. Donc Lancelot lui enlève son home et puis le décapite. Les gens de Pavongay qui étaient cachés alentour se précipitent au signal du seigneur et massacrent les 50 brigands. Donc bon, ils auraient quand même pu... le boss a été descendu, c'est bon, on peut massacrer la piétaille. Il y a un festin qui célèbre la victoire. Le vicomte lui dit « Oui, vous pouvez avoir ma fille pour l'épouser ou bien pour en tirer votre plaisir. » Il lui donne des petits coups de coude comme ça. Enfin, c'est vraiment... Voilà, on vous l'a mentionné avant. Mais Lancelot raconte qu'en fait, il est plutôt intéressé par sa quête Et le vieux seigneur se lamente car beaucoup de gens ont déjà été mourir à Rigomère et il n'a pas envie que Lancelot en soit un de plus. Seul l'avènement du meilleur chevalier délivrera les prisonniers et soignera les malades et déclenchera aussi le mariage de la dame qui a déclenché toute l'aventure, donc la dame qui règne sur cette terre. Donc j'ai dit, c'est l'avènement du meilleur chevalier. C'est intéressant parce qu'on avait dit, en fait, c'est un motif qu'on trouvait justement dans le Chevalier de la Charrette, que Lancelot était celui qui allait libérer les prisonniers du royaume de Baudemagu et Méléagant. Là, c'est un motif que, en fait, il n'a plus l'exclusivité, quoi. S'enchaînent ensuite différentes aventures de Lancelot. Il allume un feu à la pierre, donc voilà, à la dure. Il s'endort et il se réveille un peu reposé pour entendre des bruits de chasse, éloignés mais très bruyants. Donc il est réveillé dans la forêt, des corps des chasseurs. Il y a une bête qui déboule et il la décapite. Puis surgit un cercueil surmonté d'une chandelle avec un chevalier transpercé par une lance qui avait lui aussi tenté d'aller à Rigomère. Deux jeunes filles lui ont promis qu'il ne serait guéri que par l'arrivée du chevalier parfait. Donc là, Lancelot a un indice que comme il ne l'a pas guéri, c'est pas lui. Et après avoir extrait ses informations et son nom, il s'appelle Brios de Montascon, Lancelot le laisse partir. Une autre aventure où Lancelot sauve une veuve, donc c'est le cas classique de la femme qui a son domaine en quenouille et il y a son neveu qui veut récupérer l'héritage. La population est vraiment tombe à la renverse, ils sont éberlués que quelqu'un défende une veuve, c'est incroyable, personne n'a jamais fait. Donc voilà, c'est un motif assez classique, mais pour cette population apparemment c'est pas le cas. Peut-être que justement ça souligne que l'Irlande est une terre sauvage où il n'y a pas ce même genre de d'usage. Et ouais, le neveu en question s'appelle Macob Dicrac, je crois. Macob Dicrac. Macob Dicrac. On a pas mal de noms un peu voilà. Par exemple, ils sont là dans une terre qui s'appelle Brefni. Brefni. Je vois pas bien à quoi ça correspond en Irlande, mais peut-être que s'il y a des auditeurs gaélophones ou irlandophones, je sais pas. Enfin, on parle d'irlandais pour parler de Irish. If there are any Irish speakers in the room, please stand up. Donc, non, dites-nous si ça vous fait penser à quelque chose. On a aussi une terre qui s'appelle Uricovreux, ouais. Aussi. Hein. Donc, on est vraiment dans des coins à côté de Connacht ou Cork qui sont plutôt assez classiques. Là, on est dans des terres un peu plus étranges, effectivement. Et donc, du coup... Macob Dicrac, je trouve que c'est intéressant parce que c'est à moitié un nom qui pourrait faire un peu gallois. Genre Macob, ça pourrait être un peu comme Mabon ou comme ça, un nom un peu. Et à la fois, ça fait nom de héros de BD franco-belge de 1983. Macob Dicrac. Les aventures de Macob. Les aventures de Macob Dicrac. Exactement. Et en fait, une des raisons pour laquelle il conteste le douaire de sa tante, c'est qu'elle, elle vient de Cornouailles, en fait. Elle n'est pas irlandaise, c'est une étrangère. D'où peut-être aussi le fait qu'on ne la défende pas et qu'il n'y a personne qui veut vraiment la défendre parce qu'elle n'a pas de famille, de parenté, de. Elle est un peu stranger in a strange land, un peu. C'est un peu une inverse Tristan et Iseult finalement. Ouais. Elle est cornouaise, puis elle a épousé un Irlandais. Mais du coup, il bat effectivement Macob Dicrac, sans le tuer lui par contre. Hein. Il fait hommage à Lancelot et là, on revient dans le truc classique où il va aller se rendre otage auprès de la reine Guenièvre et probablement devenir un chevalier de la Table Ronde. Et là, à partir de ce moment, à part le premier, donc le brigand qu'il tue, les suivants en général, il va plutôt les envoyer à la cour d'Arthur, accompagnés de leurs amis s'ils en ont avec. Bon, c'est aussi que le brigand, je sais plus si c'est vraiment un chevalier ou si c'est juste un chef des brigands, je sais plus si son statut. Non, en fait, il est censé être plus ou moins chevalier. Il est censé être quand même chevalier, c'est pour ça d'ailleurs qu'on attend qu'il meure pour que la piète aille. Puis surtout, il pourrait épouser la fille, quoi, donc c'est clairement pas un rustre complètement. C'est vrai. Il pourrait l'épouser, quoi. Lancelot se renfonce dans la forêt, donc c'est vraiment des allées. Soit il va en ville, puis là il a une aventure avec un chevalier qu'il doit battre, soit il va dans la forêt, et généralement c'est des brigands, des animaux, des trucs bizarres qui arrivent. Là en l'occurrence, on nous insiste beaucoup sur les moments où il doit faire vraiment il doit dormir et faire son camp dans des endroits où il n'a pas de nourriture. Là il croise deux serviteurs qui rentrent en fait chez leur maître et comme régulièrement on nous dit que ces serviteurs en fait sont des brigands, enfin des serviteurs de brigands plutôt pour l'occasion. Et en gros ils sont en train d'aller ramener du cerf chez leur maître brigand et ils croisent Lancelot qui est tout seul sans manger, sans boire, le pauvre, et il lui donne un peu de cerf, il lui donne un peu de vin et du vin aussi et du pain aussi. Et donc, du coup, ils mangent avec eux. Après, ils repartent et ils revont vers leur maître. Et là, ils disent, on a croisé ce chevalier, on lui a donné à manger. Et du coup, les brigands se disent, il faut qu'on aille le capturer. Ils se frottent les mains, vraiment, caricaturellement. De nouveau, pour récupérer son équipement, quoi. Donc, ils se partagent en avance, en fait. Il y en a un qui dit, moi, je veux son cheval, moi, je veux son aubert, et moi, je veux les choses de fer, le home et l'épée. Donc ils se le répartissent avant. Et en traître, en fait, ils s'attaquent tous les trois à Lancelot en simultané. On nous explique que Lancelot est un peu fâché parce que normalement ils ça viennent un par un. Quoi. C'est une technologie qui n'existe pas encore en Bretagne. Ils n'ont pas l'IA des PNJ. L'IA des PNJ n'est pas encore assez développée. C'est les premiers Assassin's Creed où ils font la queue pour se battre contre toi. T'sais. C'est ça. Alors en l'occurrence, il va réussir quand même à les battre. Il va abattre le premier avec une lance, puis ensuite il se bat contre les trois. Alors c'est très gruesome, hein. On a vraiment des ils sont taillés jusqu'au sang, le crâne, mais au lieu d'avoir des blessures instantanées qui les mettent hors d'action, ceux-ci ils sont plutôt solides, ces brigands. Il va finalement réussir à les battre tous les trois et reprendre sa chevelure. Alors le pauvre, il a pas dû bien dormir quand même, hein, parce que après ça et il tombe sur la demeure d'un, enfin ce qui était auparavant un noble château, qui est en fait plus qu'un château. Il y a plus, le château est en ruine, et en fait il reste plus vraiment surtout qu'un verger et une tour avec une porte fortifiée, et c'est à peu près tout en fait. Et il y a un chevalier qui appuie contre la porte, et Lancelot arrive et dit: ah, est-ce que je peux dormir chez vous ce soir? Et effectivement il est accueilli normalement. Enfin, il y a un garçon d'écurie qui prend son cheval, la jeune fille de la maison l'amène à un lit. Enfin, on lui donne à manger. Il mange du poisson parce que c'est vendredi. D'ailleurs, j'ai remarqué que la chronologie est assez bien suivie. Hein. On se retrouve bientôt le dimanche. En fait, il va croiser un type qui va lui dire: ah, on est dimanche. Le lendemain, et là, donc le samedi matin, il se lève, il déjeune, et là, c'est à ce moment-là que le chevalier qui l'a hébergé lui demande où il va aller. Et il me dit: ah, je suis Lancelot, je vais en fait me rendre à Rigomère pour voir ces merveilles. Puis j'ai eu pas mal de soucis en chemin. Et en fait, le chevalier se moque de lui. Bah, si t'as eu des emmerdes maintenant, qu'est-ce que ça va être quand tu vas aller à Rigomère, en gros? Vous plaignez trop tôt. Et il lui raconte tout ce qui lui est arrivé, donc la mort de Savary, le fait qu'il a coupé le pied de Macob Dicrac, il a tué les trois brigands. Et en fait, le chevalier qui l'a accueilli lui dit: ah, mais quelle horreur! Ces trois hommes, c'était mes parents. Macob, c'est mon cousin Germain. Et puis Savary, c'était mon oncle. Zut alors, bon bah. Voilà, il est vraiment bien lié à lui. Et il lui dit: allez, vas-y, va t'équiper qu'on se batte. Alors par contre, il lui laisse le temps de s'équiper. Puis Lancelot lui dit: mais je suis votre hôte, on ne peut pas se battre. Puis Lancelot lui dit: non, il faut, tu m'as tu as tué mon oncle, tu as tué mon Klagstad. C'est ça. Tu as tué mon cousin, tu as tué mon oncle. Et il lui demande, c'est là qu'il lui demande son nom, en fait. C'est là qu'il lui dit: je suis Lancelot du Lac. Et après, ça te battu pendant un petit moment. Et une fois qu'il apprend son nom, il dit: bon, ah, d'accord, ça va. Si c'est Lancelot, c'est tout bon. Je t'ai rendu assez de coups, la bataille est terminée. L'honneur est sauf. L'honneur est sauf. Puis alors, Lancelot dit: hey, tu vas pas t'en tirer ainsi, mon compte. Maintenant, il faut que tu ailles trouver la reine de Bretagne, lui dire bonjour de ma part et te mettre à son service, en fait. Et il dit: ok, on y va. Et en fait, il lui dit à la fin son nom, le chevalier. Il s'appelle Maudin le jardinier parce qu'il aime bien passer du temps dans son jardin. C'est très candide, ouais. il faut cultiver son jardin. Il faut cultiver son jardin. Lancelot, du coup, il est crevé. Là, du coup, il est crevé, il n'arrive pas à se reposer. Il reprend sa chevauchée et, à l'heure des vêpres, il arrive au château de Frémarais, qui était régi par le seigneur Bedionnet, qui l'accueille bien. Et puis, du coup, il peut se révéler. Mais cette fois-ci, Lancelot ne révèle pas son but. Il se dit: bon, il vaut mieux, justement, pas trop que je donne d'informations là-dessus. Il se renfonce dans la forêt, donc on a cette alternance. Château-forêt, comme d'habitude. Et il tombe sur un vieux, en fait. Alors ça c'est le moment très personnel. Il rencontre un vieux. Il rencontre un vieux, mais un vieux super vieux, un type qui a genre 200 ans. 200 ans, il est nu, il est couvert de mousse, quoi. C'est vraiment le père Fouras, ou le premier film, oui, Astérix. Oui, j'allais exactement faire ça. Exactement faire ça. Le grand-père de Panoramix qui est dans sa cave. C'est dans le premier film Astérix, Astérix contre César, je crois qu'il s'appelle, où ils vont, à un moment, Panoramix, il dit: je vais trouver mon maître, mon ancien maître druide, le grand-père, et puis ils vont voir un mec mille fois plus vieux que Panoramix. Ils ont besoin de lait de licorne, je crois, oui. Un truc comme ça pour la potion magique. Et le type, il est vraiment à des champignons sur sa tête, c'est vraiment le... Exactement. Et il est velu comme une bête, en plus, il est très poilu, pour lui garder chaud, j'imagine. Et il a de la peine à ouvrir les yeux, et en fait, il va chercher à écrire Lancelot, puis il va dire: ah, venez chez moi, je vous ferai de la soupe, je peux faire cuire les entrailles d'un chevreuil, je les ai depuis 4 jours, des chevaliers me les ont laissés, bon, elles ont quelques verres, mais seulement quelques verres. Puis si on était en hiver, il n'y aurait pas de verre dedans, donc c'est comme si elles étaient neuves. Puis bon, vous avez du pain d'or, je l'ai acheté l'autre jour, bon, c'était un peu cher, 15 miches pour un denier, mais j'ai plus rien, j'ai plus d'argent, mais ça vaut bien la peine. Que... En fait, il veut vraiment l'accueillir, lui, comme un roi, avec les faibles moyens à sa disposition. Puis il n'arrête pas de lui dire, ouais, je vais, c'est toute ma nourriture, mais je vais vous la donner. En gros, et à la fin, Lancelot dit, non, mais ça va aller. Je vais essayer de trouver un autre endroit. Puis il dit, non, vous n'arriverez pas, il n'y a pas d'abbaye à côté. Il y a une abbaye qui n'est pas très loin, mais vous n'y arriverez pas avant la nuit, en gros. Et finalement, il n'accepte pas, en fait, et il part. Il laisse le vieux de 200 ans. Je me suis dit que ça allait aller ailleurs, mais non, c'est juste le vieux voulait absolument recevoir Lancelot, sauter le pain de la bouche pour le nourrir, mais finalement ça ne donne rien puisque Lancelot refuse d'être accueilli. Ouais. Il enchaîne cette aventure-là où il trouve un embranchement. On dit qu'il quitte la bonne route, donc il se trompe de nouveau de chemin, mais il continue plein d'assurance. L'obscurité lui tombe dessus. Il s'installe sous un arbre. Probablement pour passer la nuit, mais en voyant la tête, il voit la lueur et la fumée, enfin il voit de la fumée et bien un peu de lumière, ce qui veut dire qu'il doit y avoir une espèce de feu de cheminée quelque là. Il se dit que ça doit venir de l'abbaye et il va vers une maison qui doit être parce qu'il espère trouver de l'hébergement. Il entre, il met pied à terre, il se dirige vers le feu, il aperçoit un beau lit avec une très jolie courtepointe et tout, il regarde et il voit un cercueil sur deux tréteaux avec quatre cierges d'argent massif qui l'entourent, avec des chats sauvages aussi grands que des léopards, donc des fauves, au moins 30 ou 40, sans mentir. Alors Lancelot, il a un petit peu peur, mais les chats non plus, bah voilà, ils n'aiment pas son intrusion, ils n'avaient pas peur de lui, et ils se mettent à lui miauler dessus. Alors il prend dans le feu un tison enflammé, donc il prend un bout du feu et il commence à l'agiter pour leur faire peur. Il leur donne des grands coups à droite, à gauche, et puis il continue à faire couler son sang. Donc apparemment, leurs griffes arrivent quand même à passer un peu à travers son houbert, pas complètement, mais juste assez pour le faire, faire saigner. Ouais, d'ailleurs, c'est même pas qu'il leur fait peur, hein. Il tabasse le plus gros des chats avec le tison. Hein. Oui, oui. Je vais vous les effrayer, c'est vraiment, je vais les tuer à coups de tison enflammé. Mais oui, effectivement, il arrête pas de saigner. Il arrive quand même à les chasser de la maison. Et il revient sur ses pas, et là, il voit que le cercueil se dresse et vient à sa rencontre. Et il se dit, mais c'est un enchantement ou une diablerie, et il jette le cercueil dans le feu jusqu'à ce qu'il soit consumé. Alors, il a gagné sa bataille. Alors, il se lamente, et puis maintenant, il dit, en fait, j'aurais peut-être dû accepter de bouffer des entrailles de chevreuil et du pain d'orge et puis de la soupe de racines. Mais il pense aussi à son cheval. Il se dit, mon cheval aussi, il n'a pas mangé... Il se dit qu'il est très malchanceux et qu'il n'aurait pas dû venir ici. Et en fait, il va simplement en pleurant se coucher sur le lit, tout armé, tout équipé. Et dès qu'il, en fait, à peine il s'est endormi, qu'il se réveille. Et là, par contre, il y a une demoiselle qui est devant lui, qui le salue et qui lui demande de le suivre. Et il s'inquiète de ce qui arrive à son cheval. Et elle leur dit non, vous inquiétez pas, il est soigné, il est à l'étable, il a sa ration, il peut boire. Et effectivement, c'est le cas. Et il les suit. Enfin, il demande d'abord à vérifier. Donc, il demande d'abord à ce qu'on l'amène vers son cheval. Il vérifie. Et puis, il est accueilli vers une dame qui est assise sur un fauteuil assez noble. Il lui demande de se désarmer, ce qu'il refuse de faire. Mais elle lui promet qu'elle ne lui fera pas de mal. Et elle dit qu'elle fait partie d'une communauté dont faisait partie, dont la supérieure était la dame Laurie. Et en fait, on découvrira plus tard que la dame Laurie, c'est la dame de Gauvin, en fait. Mm-hmm. Donc... il y a une espèce de côté un peu... Elle est fée aussi, donc en fait, il est chez des fées, en gros. Et il est accueilli, on lui donne, on l'équipe, on l'habille, on lève ses armes... On lui fait un bain, on lui passe des onguents, donc c'est un peu le repos du guerrier. Il est vraiment rétabli, quoi. En fait. Pomponné. Exactement. Et il peut partir, hein, finalement, et on lui dit, attention, allez bien à droite, et à gauche, ça risquerait de se retrouver... dans une terre assez sournoise du Riquevreux, et finalement il finit par aller par aller sur la droite pour arriver donc dans la terre de Connacht. Donc le Connacht, c'est un royaume à l'époque de l'ouest de l'Irlande. Et il arrive devant un château bien situé. On nous dit toujours que les châteaux sont bien situés, hein, dans ce roman. Un château bien situé avec une belle entrée, une belle enceinte, des bonnes murailles, une grande tour et une belle demeure en bois. Et là, dans ce beau château, il y a une foule qui se lamente. Des jeunes filles, des dames, des chevaliers, des écuyers, tous pleurent parce qu'ils vont perdre le chevalier le plus noble et le plus ancien de leur lignage, le plus sage et le meilleur. Et dès qu'ils arrivent, dès qu'ils voient Lancelot arriver, les pleurs cessent et ils sont dans l'allégresse. Parce qu'en fait, on va leur expliquer qu'il y avait un présage que leur maître, le seigneur de la demeure, allait mourir dans les 30 jours si un chevalier étranger ne venait pas ce soir-là. C'est assez peu clair la raison du pourquoi, comment. Oui, c'est Thorplein de Grigneplaine. C'est en fait le jour anniversaire, il a été blessé à Rigomère. Ça, oui. Et le jour anniversaire, s'il n'y a pas un chevalier étranger qui passe chez lui, il va mourir. Et donc, c'était le jour anniversaire. Il disait, il n'y a aucun chevalier à 30 km à la ronde, personne ne va venir. Et puis, Lancelot arrive pile au bon moment pour prolonger sa vie. Lancelot lui dit, je vous ai déjà vu quelque part, vous me dites quelque chose. Et en fait, il lui demande, vous ne connaissez pas par hasard le vicomte de Pavogai, parce que vous ressemblez un peu, donc le père de la fleur désirée dont on a parlé avant. Et il lui dit, oui, c'est mon frère jumeau. Donc il apprend quelques infos sur Rigomère, qui serait encore une semaine de trajet, on nous dit. C'est coupé par deux fleuves de la terre, donc il y a l'idée que c'est quand même une terre un peu séparée du reste de la terre d'Irlande. Il y a un pont de cuivre qui est gardé par un dragon. On a déjà parlé régulièrement, mais le cuivre a ce côté un peu à la fois merveilleux et puis mécanique aussi. On a souvent ces automates qui sont toujours en cuivre, ces machines un peu diaboliques ou enchantées qui sont à la limite entre mécanisme et puis enchantement. Elles sont toujours en cuivre, donc là on a un pont de cuivre gardé par un dragon. Et Lancelot continue à voyager, il tombe sur un autre chevalier qui a été éborgné à Rigomère, mais qui garde son œil dans de la soie, donc il a son œil un peu dans une petite pochette pour au cas où il pourra être guéri par l'arrivée de ce fameux bon chevalier dont on a parlé avant. Et Lancelot affronte encore un chevalier qui l'insulte au lieu de lui indiquer le chemin, donc il se vexe un petit peu et puis il le bat, puis il l'envoie chez Guenièvre, le grand classique. On a un autre épisode de criminalité, de la terrible criminalité ambiante à Rigomère. Il rencontre un certain Herbert qui lui dit, oui, vous pouvez dormir chez nous, vous pouvez dormir chez moi, mes parents vont vous accueillir. Il l'envoie en avance, puis dit, je vous rejoins après. Il arrive chez ses parents, il l'accueille, et la nuit, il y a des larrons qui veulent voler le cheval de Lancelot. Donc, encore une fois, on a... Alors là, non, la sécurité ambiante. L'insécurité. Et puis, du coup, ces autres, ils se réveillent et ils voient ça, qu'ils sont en train de prendre le cheval dans l'étable. Et donc, ils s'équipent. Lancelot, il prend un pieu. Il a un truc avec les pieux dans ce roman. Et ses autres prennent des haches et des bâtons. Donc la hache, qui est en général une arme qui est vue comme vulgaire, hein, qui est vue comme une arme de rustre, d'homme qui vit dans la forêt, qui est pas digne d'un chevalier peut-être aussi. Mais du coup, Lancelot, il a un pieu, ils ont des haches et des bâtons, et puis il les trucide tout simplement. Alors il les massacre. Ce qui est marrant, c'est que apparemment, ça attire le voisin. Si j'ai bien compris, ça attire le voisin. C'est pas très clair. Hein. Il y a un dénommé Odin qui apparaît dans la traduction que maintenant. J'imagine que c'est le voisin de la famille. Puisque lui, il arrive avec sa femme et sa fille, demoiselle M, que Herbert chérit particulièrement, pour son avenant de figure. Et ce qui est drôle, c'est que l'implication, c'est qu'ils ont été réveillés en pleine nuit, donc ils sont tous nus, en fait. Enfin, en tout cas, la mère d'Herbert est nue, son mari est nu, ouais, il réveille Lancelot nu. Donc, il faut croire que tous sont à poil en train de passer. En train de trucider des voleurs. C'est assez drôle, en fait, d'imaginer. Mais après, c'est tout ce qu'on nous dit. Après, on n'en parle plus d'Herbert et de M, donc je pense que c'est juste la blague. Ah, sa voisine dont il est amoureux, il se voit tous nus parce qu'ils sont en train d'être réveillés la nuit. Comme c'est drôle, ouais. C'est très ambiance American Pie ou des trucs comme ça. Ouais, c'est très très bizarre. Il a encore une aventure avec une personne un peu étrange. Il tombe sur une espèce de cabane dans la forêt où il y a une espèce de femme, une espèce de Baba Yaga, enfin une espèce de sorcière. La dame qui elle a des cornes, elle a la peau noire, elle a une bosse sur le dos. Elle a la chair plus noire que l'écorce. Et puis Lancelot lit la situation comme elle va me manger, elle va me tuer. Puis en fait, non, elle fait rien en fait. Elle est juste là, tout va bien. Oui, elle a l'air assez terrifiante, mais c'est aussi. Elle a les paupières tombantes et elle a des espèces de cornes sur son front. Oui. Et elle doit accrocher ses paupières à des crochets de fer aux cornes de son front pour pouvoir ouvrir les yeux. Comme le géant dans Cwllwch ei Olwen. Comme le père d'Olwen. Comme Ysbaddon dans Cwllwch ei Olwen, exactement. Qui est assez. Et puis elle a aussi, alors ça c'est assez classique quand on voit des gens un peu monstrueux dans ces textes-là, elle a une nièce qui elle a l'air... Comme Ysbaddon finalement. Hein, oui, comme Ysbaddon, il a magnifique, créature monstrueuse. Mais, et bien elle a une nièce qui est tout à fait normale, elle est très jeune, mais c'est tout. Et en fait, après, elle est accueillie, elle accueille Lancelot, le garde pour la nuit, et le lendemain... il est attaqué en fait par le lami de cette jeune fille en fait. Ouais. Moi je trouve assez intéressant parce qu'elle dit justement, il parle à cette dame et puis au début il dit, il sait pas si c'est une femme ou une fée ou quoi que ce soit. Enfin il a de la peine à évaluer sa nature. Et puis il dit, oui je suis un chevalier qui a besoin d'être hébergé. Puis elle dit, Puis elle redemande qui es-tu, puis je suis un chevalier, puis elle dit j'ai jamais vu de chevalier, est-ce que t'es armé, puis il dit oui. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je t'hébergerai pas, tu m'apportes la douleur et la peine, il y a 1000 ans que j'entends dire que les chevaliers armés sont les plus mauvaises créatures du monde, jamais un chevalier en Aubert ne sera hébergé par moi, rien n'émeut ces gens-là, rien ne leur fait peur, ils tuent selon leur bon plaisir, si je t'hébergeais, je sais bien que le matin, au moment de prendre congé, tu me tuerais sans autre remerciement. Puis bon, bah, j'enlèverai mon Aubert, j'enlèverai mes armes, puis elle dit ok, je t'accueillerai. Donc après avoir croisé, donc il se bat avec l'ami, en fait qui est un brigand aussi, hein, l'ami mm-hmm. de la fille de la sorcière, enfin de la fille ou de la petite fille de la sorcière, je ne sais plus si c'est sa nièce ou... C'est sa nièce, c'est ça. Et en fait, l'ami de la nièce, qui est un brigand, mm-hmm. veut de nouveau dépouiller Lancelot avec ses deux copains, puis finalement, il les bat. Cette fois-ci, il l'attaque un par un, oui. Donc il arrive à avoir facilement le dessus. Tu vois, il a une amie, donc ça veut dire qu'il est un peu plus haut dans la hiérarchie des brigands. Oui, c'est ça, il est... Et là, par contre, eux, ils ont le droit d'aller se rendre à la reine. Du coup, ils ne sont pas tués comme les brigands avant. Et en fait, il rencontre un nouveau chevalier qui lui dit que là, cette fois-ci, il est à 3 jours de Rigomère. Donc, nouveau, hein, la temporalité est assez bien suivie, en fait. Tu n'as plus que 3 jours, ton attente. 3 days, dawn of 5 days, 72 hours remain. C'est l'ambiance, Majora's Mask. Et donc, il va... il a besoin d'un... Le chevalier lui dit, pour atteindre Rigomère, vous avez besoin d'un sauf-conduit. Et c'est quoi le sauf-conduit? C'est des armes brillantes, un bon destrier, un corps vaillant de chevalier. Donc, en fait, c'est bon, il l'a déjà. Bon, ça, c'est un peu la blague. Quête, sauf-conduit. Ah, non, zut. Bon, pas besoin. Par contre, il lui dit qu'il faut qu'il enlève ses armes. Et on va régulièrement... On parle beaucoup dans ce roman, d'ailleurs, du fait qu'il ne faut pas se présenter en armes dans certains endroits, il faut accepter d'enlever ses armes. Ouais, et Lancelot est un peu réticent, en général, mais il finit par accepter, mais c'est ce qui va finalement lui coûter aussi des ennuis en Rigomère, en fait. Donc, c'est important d'obéir à l'hospitalité et de ne pas se promener avec des armes ouvertes, de se battre en permanence. Et par armes, on entend plus l'armure, en fait, ironiquement. On lui laisse souvent son épée, il peut garder son épée parfois, mais il doit enlever vraiment son armure. Ce qui est assez, ce qui explique aussi le fait qu'il est rendu, c'est plus, disons, significatif que de laisser son épée, parce qu'il est rendu plus vulnérable. Il est rendu plus vulnérable, ça c'est un des thèmes. C'est vrai qu'on parle beaucoup du Aubert de Lancelot. D'ailleurs, c'est un épisode où le Aubert va être extrêmement, comment dire, va basiquement lui sauver la mise, qui vient juste maintenant. C'est justement Lancelot, il tombe donc sur cette jeune fille qui va être violée. Elle est en train de se battre contre celui qui l'agresse, les cheveux un peu arrachés, donc c'est la scène cliché classique du viol où elle résiste, elle crie à l'aide, etc. Et il dit, femme, as-tu besoin d'aide? Mais dis-moi d'abord, es-tu une créature humaine? Genre, il se dit, bon, est-ce qu'on n'est pas dans une terre de monstres et de sorcières? Il arrache le violeur qui du corps de la dame, qui aurait bien voulu se venger, mais sachez qu'il n'avait que son épée. Il la tira du fourreau pour en frapper Lancelot de toutes ses forces, mais sans lui faire le moindre mal. Comprenant qu'il avait un Aubert, il se lamenta. Hélas, que faire? Je ne puis rien contre lui. Donc, parce que Lancelot a une armure, il se dit, en fait, je suis démuni et je peux pas, même pas riposter contre lui. Ce qui est drôle, c'est que du coup, il le laisse là. Il le laisse en plan. Il prend le cheval pour mettre la fille dessus. Et puis, il laisse le type dans la forêt. Il lui fait rien, il le tue pas. Il ne lui demande pas d'aller se rendre ou quoi que ce soit, il le laisse juste là. Et il se dirige vers Cork, en fait, le capitaine du royaume de Desemun, je crois. Hein. On parle de Desemum, voilà. Je crois pas que ça corresponde vraiment à County Cork ou bien à la royaume dans lequel Cork se trouvait au Moyen-Âge, mais enfin, peut-être que c'est juste un nom, voilà, tel quel. Et elle se rend, et en fait, le truc, c'est que tous les barons du roi de Desemum étaient à la recherche de la jeune fille de son kidnappeur, bah, tout le monde croit que Lancelot, en fait, c'est le kidnappeur en question. Parce que justement, le père, comme on l'a dit, il a promis la main de sa fille à qui la ramènera, et du coup, il y a plein de mecs qui essayent de la ramener pour avoir sa main. Et puis, ils écoutent même pas la fille elle-même. Ils disent je donnerai pas un dé de vos flatteries, vous n'êtes pas le maître, je la reprendrai assurément, mais d'abord je vous apprendrai à enlever une jeune fille. Puis la jeune fille elle dit, bien cher seigneur, par Dieu, il ne m'a pas enlevé, au contraire, il m'a sauvé de la honte et me ramène en toute bonne foi. Ah, dit l'autre, comme je vous crois, vous voulez que je ne lui fasse pas de mal, maudit qui croira à votre mensonge. Bon, alors on n'écoute pas spécialement la fille non plus. Il y a Lancelot qui dit, qui est d'ailleurs toujours un peu sadique, qui dit, allez-y, prenez la fille. Et puis, alors, il tend le bras pour attraper le mort de son cheval. Et puis, il lui tranche la main. Et puis, donc, Lancelot finalement rétablit la vérité en la ramenant chez elle. Mais il a pas envie d'épouser la fille. Et puis, elle est tellement triste qu'il dit, bon, une fois que j'ai accompli Rigomère, je reviendrai quand même vous rendre visite. Mais de nouveau, on insiste beaucoup sur le fait que je veux aller à Rigomère. Non, n'allez pas à Rigomère. C'est horrible. Le destin horrible qui vous attend. Un si bon chevalier. On nous dit aussi que les rois et les ducs peuvent se rendre assez régulièrement. On nous dit que les rois et les ducs peuvent se rendre à Gomère et en venir, mais ils ont des souvenirs très imprécis de ce qu'il y a en fait. Mm-hmm. Donc c'est peut-être aussi pour ça que les seigneurs qu'ils rencontrent peuvent lui dire des trucs. Ah, c'est par là. Ah, il y a deux trois trucs, mais ils n'ont pas beaucoup de connaissances outre. Eux, ils peuvent y aller pour leur bon plaisir. C'est un peu Las Vegas en fait. Tu peux y aller. Ce qui se passe à Rigomère reste à Rigomère. Puis après, par contre, si t'es chevalier, simplement, tu dois y rester prisonnier ou t'as des horreurs qui t'arrivent. Donc il arrive aux abords des Landes de Rigomère et avant qu'il y entre, en fait, il croise un chevalier sans armes qui l'accueille et qui lui dit bienvenue. Il lui explique qu'il va voir les aventures de Rigomère. Il lui demande d'où il vient. Il lui explique que je suis de Grande-Bretagne, je m'appelle Lancelot du Lac. Et l'autre a entendu parler de lui, mais il lui dit attention. Voulez-vous porter les armes dans les Landes de Rigomère ? En voici la frontière, mais attention, si vous y passez, vous entrez dans l'espace où maintes lances sont mises en pièces, où sont reçues maintes blessures plus que mortelles. En fait, il y a des espèces de malédictions. Si tu es blessé à Rigomère, ta blessure va languir, en fait. Elle va rester, tu vas y souffrir énormément sur toute ta vie. C'est mieux de mourir vite. Et en fait, on lui explique que s'il passe l'entrée en armes, il mourra de la lance ou de l'épée, ou recevra une blessure dont il guérira jamais, ou il sera vaincu et à jamais jeté en prison. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une espèce de terre un peu neutre, où il y a des tas d'aventures, on peut voir des tas de choses magnifiques, mais il faut y entrer sans armes, en fait. C'est un peu une zone, une zone franche, un peu quelque chose comme ça. Et il lui explique, du coup, que c'est pas la jalousie qui le pousse à lui dire ça, c'est vraiment... il est payé pour ça, en fait. C'est son fief, il est bénéficiaire d'un fief en échange du fait qu'ils doivent servir de guide et accueillir les gens à Rigomère. Sur la marche de Rigomère. Voilà. Et il lui explique qu'il faut enlever ses armes, qu'il peut y rester à Rigomère, il peut voir les merveilles, il peut rester autant qu'il veut. Il y a des belles dames, il y a des belles aventures, il y a des belles joutes à voir, mais... S'il veut s'y battre, il y trouvera des adversaires, mais là, il restera soit blessé jusqu'à ce que vienne le héros, soit prisonnier jusqu'à ce que vienne le héros, le fameux héros qui est censé délivrer les merveilles de Rigomère. Donc c'est un choix grave. Rien ne peut nuire à celui qui décide de s'y distraire sagement, mais les fous, les présomptueux, ils trouvent les blessures et la mort au lieu des danses et des caroles que mènent les autres. Donc en fait, c'est un peu une espèce de terre un peu paradoxale, qui peut être à la fois une terre de bonheur et de plaisir, mais aussi... où on peut y rester prisonnier, où y mourir. Et le mieux, s'il ne veut pas s'y plier à ses règles, justement, d'y entrer désarmé, c'est de retourner en Grande-Bretagne, en fait. Ce qui est très drôle, parce qu'on pourrait voir, ah oui, c'est une conception pacifiste du plaisir, et il ne faut pas apporter d'armes. Mm-hmm. Mais, en fait, pour le texte, c'est négatif, en fait. Il ne peut pas y entrer sans armes, donc c'est clairement un truc d'Irlandais bizarre. C'est un peu une tension du récit, c'est-à-dire la question de l'hospitalité, de rester en armes ou pas en armes, c'est clairement une des questions qui revient régulièrement. Donc, quand il y a la fée qui héberge Lancelot, quand il y a la sorcière et sa nièce qui héberge Lancelot, garder ses armes ou pas, et est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qui est armé à cause de l'avantage qu'il a sur vous, le fait que Lancelot, justement, quand il abandonne ses armes chez les brigands, on s'en sert pour l'arnaquer. Donc c'est clairement quelque chose dont cette insécurité ou cette vulnérabilité, ça fait partie d'un des thèmes centraux de ce roman là et au moment où il va s'apprêter à rentrer en Rigomère, il répugne à lancer ses armes, mais il a aussi peur d'entrer en armes, et il voit arriver un chevalier qui porte un écu qui était à sa poursuite depuis 2 jours en fait, et qui est très bien armé. Il a une très belle armure, et surtout il a un écu blanc comme fleur de lys avec une croix dorée. Et dans Les Merveilles de Rigomère, il se trouve que c'est l'écu, ce sont les armes de Lancelot, en fait, ce sont les couleurs de Lancelot. Alors c'est contraire à ses couleurs habituelles, hein. On a plutôt tendance à l'associer avec des traits rouges et blancs, des barres obliques rouges et blanches. Mm-hmm. Oblique, hein. Trois bandes rouges, je crois. Ouais. Oblique ou pas d'ailleurs, je ne sais plus. Mais, enfin, oblique, mais je ne sais plus si c'est une bande ou une barre, en fait. Je ne sais plus dans quel sens elle est. Mais... En gros, donc il a cette croix, un peu un écu générique. Et puis il voit, il dit ah, mais c'est pour moi du coup. En fait, le type le poursuit parce qu'il a volé son cheval noir au frère. Donc, je ne sais pas si c'est très clair. C'est le violeur de la demoiselle d'avant. Je crois que c'est entendu que c'est le violeur de la demoiselle d'avant. Il a tranché la main de son du fils de son cousin Germain. Voilà, qui était le type dont il a tranché le poing. Probablement le type qui a tout tranché le poing. Donc. Il est donc accusé de félonie. Mais Lancelot, lui, complètement hypnotisé par l'écu. Je prends son écu, il se dit, je vais utiliser ma lance. Petite astuce, utilisez votre lance à l'envers, comme ça vous abîmez pas l'écu. Plutôt que d'aller avec la pointe en avant, puis vous risquez de le casser, d'arracher un bout. Eh ben, je tiens la lance à l'envers, ce qui est un petit peu dangereux et pas très pratique, mais comme ça, je le désarçonne, et puis ça lui fera même pas mal. Et c'est ce qu'il fait. Alors, au préalable, il y a un corps qui appelle tout le monde qui est dans la plaine, pour le plaisir, donc, à venir voir la joute. ce qu'il fait. Et en fait, quand il a récupéré l'écu doré, il est plein de confiance, en fait. On lui dit que le sang lui monte au visage. Et il dit par une fois, je crois bien que je suis Lancelot du Lac, tout pareil à celui que j'étais. Maudit soit celui qui s'en ira avant de savoir quelles sont les aventures de Rigomère jusqu'au pont, et au-delà si je puis. Et en fait, il y va en armes, et le chevalier sans armes le suit vers le pont où se tient le dragon. Et on lui a bien dit de, attention, reste du côté de la lande, parce qu'après, c'est plus dangereux. Et il y a un magnifique château avant le pont, dont le bailli dit à Lancelot, attendez, vous pouvez pas passer maintenant, il faut que vous passiez la nuit ici, et après seulement vous pourrez traverser le pont, on regardera ça demain matin. Le chevalier sans armes l'accueille dans sa tente, il le désarme, puis après il refuse de les lui redonner, en fait il lui donne seulement son épée, et ils vont en fait sur le pont du dragon. Il y a un chevalier sans houbert qui est tout blanc, il est habillé tout en blanc, son cheval, la lance, tout est blanc. Et ils vont se défier, en fait, et ils lui proposent, au lieu d'avoir une joute, le chevalier sans armes va proposer une course, en fait. Oui, il plante une lance dans le sol, et puis ensuite, à cheval, ils doivent faire l'aller-retour jusqu'à la lance. Et en échange, ils mettent leur tête en jeu, donc ça veut dire que la personne qui perd doit se mettre à la merci de son adversaire, qui peut le décapiter s'il veut. Lancelot utilise une stratégie audacieuse. Qui consiste à attraper. Il attrape les rênes de l'autre cheval, et il donne des coups au cheval pour le... Et puis, en fait, finalement, il tranche la tête du cheval, en fait. Il frappe le cheval à la tête, le destrier tombe, le cavalier tombe, et du coup, Lancelot peut atteindre la lance. Lancelot a techniquement gagné, mais il y a le bailli qui intervient, puis qui dit, bon, comme je vous ai hébergé, j'étais sympa avec vous. Est-ce que vous pourriez épargner ce type pour ma faveur ? Auparavant, il y a une répétition en fait dans le texte où il y a un messager qui va raconter ce qui s'est passé au château. En fait. Et donc, un messager qui va justement, on dit qu'un messager qui sait parler roman rapporte les nouvelles de ses derniers exploits à la fée, à la dame fée qui règne sur Rigomère. Donc on a un peu une espèce de foreshadowing. Et en fait, il va rencontrer un des chevaliers de la dame qui est très énervé parce que il lui dit il lui demande au messager, mais il a épargné le chevalier blanc, il a pas osé l'exécuter, et on va voir ce qui va lui arriver. Et en fait, le chevalier va s'équiper, il a des armes triples, donc il porte trois casques l'un sur l'autre, trois armures l'un sur l'autre, il a trois boucliers, trois épées. C'est le chevalier aux armes triples. Et c'est là vraiment que j'ai réalisé qu'en fait tout le truc fait vraiment Dark Souls, en fait. Oui. Tout le roman est très Dark Souls. C'est le plus, ça, c'est vraiment... Mais comme le dit le proverbe, c'est un peu comme dans Dark Souls. Le fait qu'il ait trois... C'est, honnêtement, tu dis Dark Souls, moi, ça me fait plus penser à un cartoon, quoi. Donc, il arrive en faisant un bruit... Déjà, il fait un bruit terrible dans la lande parce qu'il a ses trois armures qui s'entrechoquent les unes aux autres. Avant ça, en plus, on a essayé de le monter sur un stream, il a genre cassé les étriers. Il est beaucoup trop lourd. On donne à Lancelot une lance en morceaux d'ivoire et de nerfs collés et pleines de clous. Donc, c'est un peu. Ça n'a pas l'air très solide, mais je pense que l'idée, c'est comme c'est des nerfs et de l'ivoire, c'est censé être très dur, avec des clous et tout, puis avec une espèce de colle un peu surnaturelle. Soi-disant incassable, parce que c'est celle que le chevalier aux armes triples a aussi. De nouveau, il y a un public très bien habillé qui se présente pour se distraire avec ce combat. Et des gardes avec des haches et des massues qui doivent observer son bon déroulement. Ce que je disais avant, la hache, c'est vu comme une arme assez, assez vulgaire. La massue aussi, c'est l'arme de l'homme sauvage par excellence. Mais donc, Lancelot donne un énorme coup qui va fendre deux casques, puis il y a les deux casques qui tombent, mais il y en a un troisième dessous. Ou alors, puis surtout le troisième casque, il est plus solide car c'est un mélange d'acier et d'or, donc c'est pas exactement comme ça que ça marche, hein. L'or, c'est un métal qui est très mou, mais soi-disant, c'est un espèce de métal un peu surnaturel. Le combat s'éternise, à un moment, leurs épées se brisent, donc les épées se brisent, mais le chevalier, il en a trois, alors il dégaine sa deuxième épée. Et Lancelot avec une vivacité. Pour moi, ça fait très jeu vidéo pour moi. C'est vraiment, t'as les barres de vie, en fait. Il est barre de vie. Il a une troisième phase. Et puis, mais Lancelot, il voit que justement, il a une troisième épée à la ceinture. Alors, il lui dégaine sa troisième épée pour pouvoir continuer à se battre. Il lui pique la troisième épée. Il finit par le vaincre et par l'envoyer à la reine malgré ses trois armures. Et à la fin, il est guéri. Il retrouve le goût de la guerre. Puis, il va à Camelot, apparemment. Enfin, Carlyon, je pense. Il arrive au fameux pont de cuivre qui est gardé par un dragon qui est enchaîné. Alors ça fait vraiment comme dans Dark Souls. Dans le premier Dark Souls, il y avait un dragon qui gardait un pont et qui crachait du feu dessus puis qui vous butait. Mais on lui conseille... Alors, il y a quelqu'un qui lui conseille de façon un peu humoristique de voler comme un oiseau pour l'éviter. Donc, merci du conseil. Mais il voit que près d'un mur, il y a une massue. Et il arrive du coup à tabasser un peu le dragon... Mais il se relève, et puis du coup, Lancelot lui casse sa massue dessus, et il court jusqu'à l'autre bout, et il saute du pont pour lui échapper. Donc là, on a beaucoup... Les armes se cassent beaucoup aussi dans ce récit, ça m'a justement fait un peu penser à Breath of the Wild, c'est les armes qui se... La massue qui se pète après trois coups. Et... Et justement, il a réussi à passer le dragon. Donc on voit que Lancelot, il surmonte les épreuves, mais pas toujours de façon complètement réglo, quoi. Quand il bute le chevalier de l'autre. Le dragon, il l'assomme un petit peu, il arrive à le passer. Il arrive à passer vraiment en l'assommant. Alors il n'a pas utilisé une arme, il a utilisé une massue. Est-ce que ça, voilà, on est un peu. Et en fait, il est toujours persuadé que voilà, non, j'ai fait ça à la régulière, mais en décapitant des chevaux. Et, donc, de façon pas toujours très honnête. Bon, le chevalier aux armes triples, par contre, il l'a battu honnêtement, en l'occurrence. Et c'est lui qui est plutôt un peu malhonnête avec son stratagème. Des trois armes, effectivement. Il se fait finalement piéger par sa seule faiblesse. C'est pas vrai pour le personnage de Lancelot, parce que c'est plutôt l'homme d'une seule femme, mais il se fait finalement piéger par une demoiselle qui apparemment jouait avec une espèce de pomme d'or. Donc elle a un côté un peu féerique, jouer avec une pomme d'or, ça fait penser justement à un côté un peu classique à la pomme d'or donnée par Eris, la pomme de Discorde. Ou alors la pomme du jardin, enfin le fruit du jardin d'Eden. Le fruit du jardin, le jardin des Hespérides, ou peut-être aussi cet alignement qu'il y a entre la culture classique et puis la culture justement celte, dans les descriptions qu'on avait d'Avalon chez Geoffrey notamment, donc qu'on appelle aussi l'île des pommes, etc. Donc peut-être qu'on pense à l'île des Hespérides qui a des pommes d'or. Mais en tout cas, elle lui procure des armes maudites, une lance notamment, qui vont le paralyser. Et donc il arrive simplement plus à combattre. Et le chevalier blanc va se saisir de lui. Et on le met dans une grotte en fait, la fosse Gobienne, qui est l'endroit où il va être retenu pour un petit moment. Et ensuite, en fait, une demoiselle arrive avec une baguette en main et dans l'autre un anneau d'or dans sa prison. Puis elle dit « Ah, ma demoiselle vous salue, donc la dame de Rigomère. Elle se félicite de votre capture, elle est éprise de vous, elle vous envoie son anneau par amour avant de vous voir, pour l'amour d'elle, prenez-le. » Et en fait, elle baratine. D'abord, il refuse, mais finalement, elle lui explique... elle fait vraiment des bobards pendant... On dit même, elle entremêle tant le faux et le vrai pour venir au bout de Lancelot, qui ne sait plus que faire. Puis, au final, il est désemparé, il n'arrive plus, il est brain freeze, puis il lui tend la main, elle lui met l'anneau, et en fait, il se met à ressembler à une bête, il a la tête baissée, et en fait, il devient garçon de cuisine, en fait. Elle l'est emmené en cuisine, et il devient juste homme à tout faire en cuisine, à Rigomère. Donc, ouais. Un anneau qui lui fait apparemment... perdre la mémoire, qu'il est bête complètement, qu'il contrôle mentalement et qui aussi lui fait perdre la notion du temps comme on va le voir avant. Je peux peut-être juste lire un bout de la traduction de cet épisode. Le voici donc assigné à demeure parfaitement docile, cependant il jouit d'une grande faveur pour l'exploit qu'il avait accompli, on l'avait dispensé des basses besognes, car il y avait là main prisonnier contraint à de vils métiers. Je vais vous révéler les travaux qu'on y faisait, il suffisait qu'on soit mis à un métier pour que le même jour on sache le faire, donc il y a ce côté un peu magique, et plus jamais on en sortait. Les vaillants chevaliers tissaient des étoffes de soie et de brocart, des tentures impériales, d'autres vaquaient à différentes tâches, si l'on en croit le conte, les uns faisaient de l'orfèvrerie, mais plus encore de la sellerie, d'autres maçonnaient, charpentaient au gré de leur maître, et ceux qui paraissaient les plus sourds, on les envoyait travailler dans les champs, les vignes, les enclos. Les récoltes étaient toujours mûres, donc là on a un côté aussi de cette terre un peu magique d'abondance de Rigomère. Mais sachez que tous avaient au doigt un anneau d'or pur, ces anneaux les tenaient ensorcelés par le même pouvoir qui avait eu raison de Lancelot. Revenons au métier, les artisans et les tisserands qui fabriquaient riches étoffes et franges, ceux-là étaient les plus nombreux. Écoutez bien, seigneur baron, c'est pour cette raison qu'on appelle souvent encore les tisserands chevaliers, mais ceux-là ne savent pas d'où vient cet honneur, au contraire, ils ont la sottise de s'en irriter quand un plaisantin le leur reproche. S'ils savaient la vérité, ils en auraient grande joie. Bon, là, il y a une espèce de blague qu'on a un peu perdue 800 ans après. On appelait les tisserands chevaliers. Ce qui m'a fait marrer, c'est que lui fait des tasses de cuisine, mais ouais, mais au moins, c'est pas des trucs de gonzesse comme faire du tissu. C'est l'impression que j'ai, en fait. C'est pas des trucs de gonzesse comme faire des tissus. On avait vu donc la fameuse scène dans Le Chevalier au Lion où les dames étaient retenues. Où Yvain trouve des dames retenues par deux notons qui sont des espèces de démons et qui sont forcées de faire des étoffes qui sont vendues à un prix très cher, mais elles sont payées à vil prix, donc cette espèce de sweatshop avant l'heure, quoi, d'exploitation des teintures. Et là, pareil, justement, c'est un peu bon, c'est pas des. Au moins, la cuisine, c'est un peu plus noble que les autres trucs qu'on leur demande de faire. Et c'est vrai que ça serait intéressant d'en parler, mais justement, il y a cette idée que le pire truc qu'on peut faire à un chevalier, c'est le faire travailler, en fait. Et donc, la cuisine, il y a encore un côté bon, c'est sympa, c'est charnel, il peut bouffer, il va s'engraisser un petit peu d'ailleurs. Et un autre aspect surnaturel, au-delà des récoltes qui sont toujours mûres, des gens qui ont des anneaux magiques qui les contrôlent mentalement, donc on voit que c'est un thème de fantasy qui est assez, un thème fantastique assez vieux, enfin pas fantastique, mais vous voyez ce que je veux dire. Et on nous dit, il faut me dire d'où venait la grande clarté qui régnait là alors que la prison était sous terre, c'est une espèce de grotte. Sous une vaste prairie et une grande roche naturelle qui dominait la mer d'une portée d'arc, du côté de la mer, il y avait de beaux étages, des portes, des colombages, des fenêtres, d'où provenait la lumière, et la mer battait sur trois faces, de sorte que la prison était toujours exposée au soleil et éclairée. Une espèce de presqu'île, en fait, ouais. Dans la falaise, en fait. C'est une falaise avec des grandes fenêtres dans la du côté de la mer. Et donc Lancelot est retenu à Rigomère jusqu'à ce qu'une aventure l'en libère. Et c'est là que le récit, en fait, passe. Ça vous a fait déjà pas mal, hein, mais on est à peine à moins de la moitié du récit, en fait, total. On est presque à peu près un peu plus d'un tiers du récit total. Et on va embrayer sur les aventures de Gauvain, qui, alors là, Chenery, justement, ne traduit pas tout. Elle est vraiment très, très succincte pour ce qui est d'après. Parce que visiblement, c'est très répétitif, suivant ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont lui arriver... Alors peut-être qu'ils ne vont pas avoir tous les événements avec les brigands, etc. Mais il y a grosso modo les mêmes aventures qui lui arrivent. Gauvain, en fait, emmène 158 compagnons avec lui en quête des prisonniers de Rigomère. Et apparemment, on nous raconte 7 aventures. Alors là, par contre, je suis un peu déçu qu'elle n'ait pas déçu, parce que l'aventure qu'elle nous raconte, elle en aura une des 7 qu'elle compresse aussi pas mal, celle de Cligès, donc le Cligès de Chrétien, hein, le Cligès de Grèce. Donc ouais, cette aventure de Cligès, elle est assez intrigante. Elle commence quand Cligès va se séparer du groupe, en fait. Il y a déjà 6 compagnons qui sont partis, et Cligès va encore partir du groupe de 58 comme des Gauvins. Et il va tomber, en fait, sur une espèce de manoir où, à l'intérieur, il y a une espèce de cimetière. Et puis, il y a des cercueils en marbre blanc, 3x3, et avec un cercueil vide au bout. Et il se dit, il y a un chevalier couché dans la chapelle, près du cimetière. Il y a des maçons qui s'occupent du cercueil et d'une lame, en fait, d'une épée. Et il gagne le manoir. Et on explique, en fait, que c'est l'âtre Malaïs, ce cimetière. Et il y a une coutume fatale. Un chevalier qui entre armé ne peut pas en sortir vivant. C'est pour ça qu'on prépare un nouveau cercueil. Il est un peu surpris, mais il demande quand même à manger, on le nourrit, et on l'emmène au cimetière avec le deuil autour de lui. Et il est donc, mais je ne comprends pas pourquoi ce chevalier qui a l'épée levée en main, dont s'occupent les deux types là, et là, il a une espèce de plaie dans laquelle il y a une arme, pourquoi on ne l'enlève pas, ça le guérirait. Et en fait, il va arracher le tronçon de l'épée, et là, le chevalier dans lequel l'épée était bondit, et il va commencer à essayer de tuer Cligès, en fait. Et tout le monde dit non, mais ça sert à rien, n'essaye pas de te battre, tu peux juste tendre le coup parce qu'il va juste te tuer, il est immortel. Il est, comme on disait, c'est comme dans Dark Souls, là c'est vraiment comme le début de Dark Souls 3 où tu commences le combat quand tu dis Xgundir en enlevant l'épée qui est plantée dedans, et comme dans d'autres jeux vidéo, j'imagine. Et aussi, ce type, en fait, il gueule, il est foudrage, mais il dit ah, j'étais si tranquille, j'étais si bien, j'étais dans ma pleine délectation, et puis tu m'as dérangé. Et en fait, ils vont se battre. Cligès demande ses armes d'abord, puis on lui dit « Mais non, mais ça sert à rien, il va te tuer. » Puis après, il dit « Non, mais je veux mes armes. » Donc, il parvient à se battre contre lui, mais il n'arrive pas à le blesser parce qu'il a la peau extrêmement dure, parce que c'est un faux mort, en fait. Il est, en gros, un mort vivant. Et en fait, il y a un moment, ils se font une pause dans le combat. Il explique que malgré l'avertissement de ses fées marraines, il était quand même allé à Rigomère. C'est là, le chevalier aux armes triples lui avait fait une blessure. Et donc, il lui avait expliqué que tant que le tronçon est en lui, la joie est parfaite. Quand il l'est retiré, par contre, il devient fou. Il a ainsi tué 30 personnes qui sont arrivées dans cette chapelle, et à chaque fois, les gens arrivent et puis replacent le tronçon pour lui, et il retrouve son extase. Et quand il est arrivé, en fait, je ne sais pas si c'est une illusion, je pense que c'est clairement une illusion, parce qu'il... Non, c'est ça, il est dans une espèce de monde féerique quand il est dans un rêve. Avec la fée Morgue et la reine Guenièvre, il y a une foule de d'amoiseaux. Certains chevaliers étaient partis vers Rigomère. En fait, c'est pas très clair. Est-ce qu'il est vraiment... parce qu'il voit clairement ce qui s'est passé. En fait, il dit « On regrettait fort Gauvin, Sagremort, Agravin, Yvain, Gaëriette, Bliob, Léris, Cligès et bien d'autres que je ne vous nommerai pas qui étaient partis vers Rigomère. » Et on disait qu'ils en étaient proches. Donc, en fait, il voit clairement ce qui se passe à Camelot, en fait. Oui, c'est assez bizarre. Il y a cette idée qu'il est en train... En fait, quand il a le truc planté dans sa plaie, il est en train de se projeter astralement à la cour, et puis il est très tranquille. Et moi, j'étais étendu dans la prairie parmi les courtisans de Morgue la Fée, et j'étais ravi. Pourquoi le cacher? Car déjà, on me donnait le prix du tournoi. Donc, il était parmi les simps de Morgane. Et finalement, voilà, il est sorti de cette extase et recommence à se battre. Mais finalement, en fait, l'épée de Cligès arrive, en fait, finalement, à se protéger avec son bouclier. Et l'épée du type se brise. Et en fait, Cligès prend le tronçon et le replante dans le type. Et du coup, il le plante si profondément qu'il atteint le cœur, en fait. Et cette fois-ci, là, il meurt pour de bon. Il y a cette espèce de logique où il se dit, il y a ce moment un peu logique où justement je n'arrive pas à entamer sa peau, mais il a une plaie béante ouverte, donc peut-être que c'est l'endroit vulnérable. Et avec le tronçon, effectivement. Il arrive à le tuer. C'est vrai que cet épisode, il est assez intriguant, et c'est vrai qu'on se demande, ça pourrait valoir la peine d'aller voir les 6 autres aventures, même si elles sont peut-être un peu plus répétitif que ça. Je sais pas, peut-être que c'est la plus originale qu'elle a prise. En tout cas, Cligès parvient à ses fins et on met le mort pour de bon cette fois-ci dans le cercueil qui était promis à Cligès et il peut repartir. Alors, de son côté, Gauvin, lui, a son errance dans le détail. Il a les mêmes aventures Henri Gomère que Lancelot. Ah, sauf que. Il est l'élu, donc. Il est l'élu, donc quand il arrive à la jeune fille à la pomme d'or, bah, lui dit: ah, c'est vous l'élu, voilà, c'est bon, c'est fini. C'est bon. En fait, il n'y a vraiment rien, quoi. C'est easy mode. C'est pour ça qu'au début, je disais le chat Gauvin, mais c'est littéralement, il arrive, rien ne se passe, quoi. Mm-hmm. Enfin, rien ne se passe. Si, ça se passe, mais il n'a pas d'épreuve. Il n'est pas menacé, pas d'épreuve, rien du tout. Non, je disais, c'est ce qu'on trouvait souvent dans la littérature du Graal, quoi. D'avoir, oui, avec plutôt avec Galad. Tout le monde qui galère, et puis Galad qui libère tout sans effort. Et puis, il va justement retrouver Lancelot qui est méconnaissable. Oui, il a tellement travaillé des dents qu'il était fort et gras, des bras, des jambes, du corps. Il aurait porté sur le cou une charge que n'aurait pas remué quatre hommes. Mais il était aussi stupide qu'un chameau ou une bête de somme. C'est vraiment très l'ambiance un peu grossophobe, le Thor de Avengers, une fois qu'il... Ouais, le côté un peu « Oh, il a pris du poids ouais. !» Non, mais c'est ça, et en fait, vu qu'il a oublié qui il est, Lancelot dit « Ah, mais partez de mes cuisines, vous êtes tout en fer, j'ai jamais vu pareille bête, tressée de fer comme vous êtes, ce sont des diables qui vous ont amené ici, vous me faites grand tort !» Allez vous en tisser en bas de cette salle, descendez de votre cheval, je vous bien votre allure que vous aurez sous peu faire des bottes de paille, que vous serez charpentier au terrasse. En fait, il lui dit: ah, tu seras comme ces chevaliers qui vont te coudre. Et il dit: je vais prendre cette planche et je vais vous frapper, je vais vous faire tomber à la renverse dans le feu, et puis si je sonne de ma trompette, eh ben on va vous laisser griller et puis on vous jettera dans la grande mare. Et en fait, ça le fait. D'abord, Gauvin est amusé, mais ça finit par le faire pleurer parce qu'il est tellement triste de voir Lancelot comme ça. On dit que c'est la première fois qu'il pleure depuis son enfance parce qu'il est tellement triste. Et du coup, en fait, quand il lui dit son nom, Lancelot reconnaît son nom quand même et il lui dit: vassal, vous qui m'appelez par mon nom, dites-moi le vôtre et vous ne serez pas un rustre. Mon nom est Gauvin. Gauvin, en vérité, sur votre foi, est-ce Gauvin que je vois ici? Oui, je suis Gauvin, donc mettez pieds à terre, je vous y autorise. Et là, il veut lui donner à manger et lui traiter mieux que les autres parce qu'il dit: je vais vous donner de la graisse. Il croit se souvenir de l'avoir vu dans son enfance. Il a un vague souvenir d'un. C'est assez intéressant, il dit: je vais vous donner une poule rôtie au poivre, du vin et un morceau de galette, je vous traiterai mieux que les autres. Soit je vous ai vu dans mon enfance, soit j'ai entendu parler de vous, mais mon souvenir est comme un rêve, je sais plus. Donc il a une espèce de vague réminiscence. Hein. Il commence à vaguement se rappeler. Et il lui dit: mais vous voulez pas partir d'Irlande, venir avec moi à la cour d'Arthur? Puis il dit: non, mais pourquoi je partirais? Ça fait deux jours que je suis là. J'ai encore l'anneau qu'avant hier, la dame, madame de ce château, donc mon amie, il lui explique, m'a mis au doigt par une jeune fille très noble. Je ne l'ai pas voulu l'enlever, il est là depuis avant hier et je l'ai toujours. Et en fait, le texte nous dit même: ah, vous savez, comme il est con, il est stupide, il croit que ça fait deux jours qu'il est là alors que ça fait un an. Et Gauvin, donc, est accablé de douleur. Lancelot voit, Lancelot tend le doigt pour lui montrer l'anneau, et en fait, là, Gauvin le saisit, le casse, et d'un coup, voilà, les enchantements sont défaits. Lancelot retrouve la mémoire, rend grâce au roi de gloire de lui avoir rendu la raison, donc adieu, et dit: ah, Gauvin, vous êtes pour moi, vous êtes venu jusqu'ici, vous m'en tirez, personne n'en réussira. Et il cherche des armes, donc ils s'éloignent, ils trouvent le logis avec les armes des chevaliers qui travaillaient là. Ils font leur petit marché. c'est sous-entendu qu'ils récupèrent les meilleures armes et qu'ensuite ils en vont. Gauvin délivre tous les autres prisonniers, arrive au dernier bastion des enchantements, qui est une espèce d'îlot au-delà d'un pont, en fait, visiblement entre l'espèce de prison où ils étaient. Et c'est une espèce de château du bonheur. Hein. C'est pas très clair, en fait. Mm-hmm. J'ai pas très bien compris quel type d'endroit c'était. En fait, il y a une espèce de d'autour avec une perche, et puis il faut rapporter l'autour pour prouver qu'il est vraiment l'élu. Oui, c'est un motif qu'on trouve dans pas mal de où il faut récupérer un oiseau particulier pour lever les enchantements. C'est quelque chose qu'on avait aussi dans, je sais plus comment il s'appelle, c'est un texte chevaleresque mais qui est pas arthurien, où il faut récupérer un autour pour il doit récupérer un autour, et il doit aussi chevaucher un cheval qui rue. Et il doit l'amener à la dame, et en fait, finalement, il arrive à saisir le tour, les épreuves s'effacent devant lui, le cheval s'incline devant lui et se laisse monter, et tout le monde pense que Gauvin est un très saint homme, que c'est Dieu en personne. Il va briser la quintaine, en fait, qu'il doit briser, et la lance se casse, et c'est le coup qui apporte le salut à bien des hommes. En fait, c'est un peu l'inverse du coup douloureux du conte du Graal, en fait. Et les prisonniers sont libérés, les malades sont guéris, les blessés sont guéris. tout le monde retrouve son honneur et tout le monde, là, c'est la fin des enchantements en fait. Et c'est là qu'en fait, c'est un peu curieux, il est rejoint par Laurie, donc la fée dont on avait parlé avant, qui est en fait son amie. Mm-hmm. Et il refuse la récompense qui lui était promise à lui, c'était la couronne d'Irlande avec la dame de Rigomère. Mais il promet de lui trouver un mari d'ici un an et retourne à la couverture alors que Lancelot lui reprend ses aventures. Et finalement, il y a une truc assez compliqué. Gauvin et Lancelot reviennent à Rigomère. Il y a une demoiselle qui demande à Arthur qu'un chevalier la défende contre le prétendant Myriodel, qui est abusif. Celui-ci retient Gauvin prisonnier, parce qu'il craint que lui. Donc, à la fois, Gauvin et Lancelot ne sont pas à la cour d'Arthur. Myriodel est à peu près sûr de sa victoire, mais Midomidas, un chevalier nouveau, arrive, obtient le privilège de sauver la dame, et fait chevalier, et se bat. Et donc, il va... Et c'est là qu'arrive en fait un autre chevalier qui sort de la forêt, un chevalier de bien grossière allure. Il venait sur un cheval de somme poussif, une bête écorchée, mal équipée. Un jeune homme qui la chevauchait était vêtu bien piteusement, il était pauvre, laid, il avait de la mousse dans ses cheveux, il avait, il n'a pas d'épée, il avait juste deux canifs. Ses vêtements ils tiennent que par des nœuds, il est vraiment en lambeaux quoi. Et tout le monde se moque de lui en fait. Et. Petit à petit, malgré les colibets des gens qui se moquent de lui, il arrive vers Midomidas, il le trouve en train de l'équiper, en train de se faire équiper par ses chevaliers, et il y a un trou, en fait, dans une chausse, je crois, qui pose problème, ils n'arrivent pas à équiper Midomidas correctement, et en fait, le type mal habillé, enfin... Le type de la forêt arrive, prend un canif, lisse la courroie. Enfin, il y a une courroie à cause de la transpiration. Ouais, le cuir est trop raide en fait. Il est devenu trop rigide parce qu'il a séché après la transpiration. Et puis en fait, cet homme des bois, il débarque et puis il sort son canif et il arrive à l'assouplir pour réajuster la chose. On dit oh, mais vous y connaissez en armes quand même. Et puis en fait, on va reconnaître. On va reconnaître que c'est Lancelot, notamment parce qu'il a une blessure qui est, il a une cicatrice qui permet de le reconnaître quoi. Et en fait, là, Midomidas dit « Ah, bah, c'est tant mieux, vous êtes Lancelot, bah, venez avec moi. » Il arrive vers le roi, prêt à la bataille donc, contre ce Myriodel, et il dit « Mais c'est tout bon, j'ai pas besoin de me battre, en fait, parce qu'il y a Lancelot du Lac qui est ici. » Et en fait, que maintenant se fout de sa gueule, évidemment, parce que c'est que « Vassal, cela fait deux rois qu'avec vos caprices, vous vous moquez du roi, vous êtes bien présomptueux et méprisant de prétendre que ce ribaud vaut mieux que nous en cette cour. Malheur à celui qui sera de son avis. » Et le roi dit « Bon, bah, si vous pensez que c'est lui qui doit se battre et pas vous, armez-le, puis prenez-le à votre place. » Myriodel est là « Ah, tant mieux, le chevalier qui devait se battre contre moi a refusé. Personne ne me fera croire qu'il voulait se battre contre moi, il sait bien comment taille mon épée. » Puis après, il y a un autre qui arrive « Ah, il y a un deuxième qui a récupéré les armes du premier. » Non, qui il est ? Mais il est sale, il est pâle, sa côte est en lambeaux, sa tête est grosse comme une hure, elle est ni blonde ni rasée, noire, pleine de mousse, tout le monde se moque de lui. Je croyais que c'était un fou, mais il a les bras et les poings forts, les membres solides et musclés, il n'a pas l'air d'avoir été délé dans du coton. C'est celui qui se prépare à la bataille, mais je me demande bien s'il pourra se mesurer à vous. » Myriodel arrive, et en fait, il trouve Lancelot, il lui demande son nom, et bah, Lancelot dit bah, « Je suis Lancelot du Lac, je suis natif de Gavonie à quelques distances d'ici. » Et il lui demande de montrer sa main droite, et effectivement, il montre sa main droite. Par la foi, du coup, Myriodel dit « Ah bah, voilà, vous êtes Lancelot, je vais pas réussir à gagner contre vous, donc je ne dégagnerai pas mon épée. » On arrête là, on se quitte bons amis, ils vont devant le roi, et Myriodel lui dit « C'est bon, il m'a battu, il est juste arrivé. » La demoiselle a double chance avec lui, plus jamais je ne mettrai sa terre à mal, si je peux la conquérir par l'amour. Et donc Myriodel est très content parce que finalement, il n'a pas besoin de se battre. Quoi. Tout le monde voit que Lancelot est de retour, Myriodel explique que c'est lui qui retient Gauvin en fait, donc il l'envoie chercher. Au final, même si Gauvin est un peu le héros parfait, il n'arrive pas à se faire retenir prisonnier comme un débile. Finalement, tout le monde est très content, tout le monde revient, tout le monde est de retour à la cour. Gauvin ranime la cour de sa présence, nous dit le comte. Et voyant tous ses compagnons réunis, le roi promet une cour qui va durer jusqu'à la fin de la Pentecôte. Donc on est bien un an plus tard, hein, on ne doit pas être beaucoup plus loin que la Pentecôte suivant la cour de mai du début du roman. Et donc il y a Midomidas, Myriodel, Gauvin, Lancelot, tout le monde est copain. Tout le monde se fait des plans, donc Gauvin voit Midomidas et dit elle est pas mal. Et puis donc du coup il l'envoie marier la dame de Rigomère, qui s'appelle Denise de Rigomère. Mm-hmm. On l'apprend ici. On nous dit que c'est tout un conte qui continue les aventures de Midomidas et Denise. Mais il nous dit c'est une longue carole et je ne m'y attarderai pas. Et puis Myriodel, lui, reste à la cour. puisque il devient un chevalier parfait. En fait, il est copain avec tout le monde, malgré le fait qu'il a kidnappé Gauvin, qu'il ait eu des dessins assez noirs sur une demoiselle. Il devient un bon chevalier de la table ronde. C'est très Operation Paperclip, en fait, finalement. La table ronde, quelque part. Et c'est là qu'en fait, il y a ce dernier relance. Tiers qui commence, en fait, où ça, c'est Arthur qui est un peu jaloux de la réputation qu'ont acquis Gauvin et Lancelot. Lancelot et les autres avec les aventures de Rigomère, et qui décide donc d'aller secourir une demoiselle, confiant le royaume à Gauvin cette fois-ci, et emportant Lancelot avec lui. Sur la demande de la reine. À la demande de la reine. Donc là, c'est peut-être un seul indice qu'on a vraiment d'une relation particulière. My wife's boyfriend. Le copain de ma femme. Avec le fiancé de ma femme. Et puis, il y a quelques aventures de Lancelot, qui est le héros. Le roi combat pour la demoiselle, il gagne. Et c'est quand même assez notable, parce que c'est un des rares romans arthuriens où on voit, en vers en tout cas, où on voit Arthur avoir un rôle si proactif, même si c'est pas très long et si c'est vraiment vers la fin. C'est vrai que c'est notable pour ce qu'on vous avait dit. On vous avait dit dans les premières que le canon, c'était qu'Arthur était pas très actif. En fait, il y a quelques exceptions. Il y a le Chevalier au Papegaou qu'on n'a pas encore vu, qui est une Arthur. C'est Arthur Incognito qui se bat. C'est un roman assez tardif. On a le Père Lesvos. Au début, il y a une aventure d'Arthur. On a ce passage-là où Arthur est actif, qui sont quand même effectivement quelques exceptions de. Assez notable à la règle. Là-dedans. Et puis l'ordonnateur plutôt que le chevalier combattant. Et puis la suite post-Vulgate où il a quand même quelques combats, etc. Bon, ça c'est plus dans les grands cycles. C'est quand il est plus pas simplement une figure dont la cour est utilisée pour représenter la valeur ou les motifs comme ça. C'est vraiment quand c'est la vie d'Arthur, effectivement. Là, il va inévitablement se battre dans les romans sur sa jeunesse et sur sa fin. Mais dans les romans en vers, d'habitude, il n'est pas un héros assez central. Et là, pour le coup, c'est le cas. Mais le roi et Lancelot, après la victoire du roi, s'apprête à repartir, et c'est là que le manuscrit final, le manuscrit de Turin, s'arrêtait en fait, et touchait à sa fin. Oui, juste une dernière note, je disais le roman où il y avait aussi un autour qu'il fallait récupérer pour briser un enchantement, c'était Blandin de Cornouailles. Il y a une dame qui est plongée dans un sommeil, une espèce de Belle au bois dormant, quoi. Elle est plongée dans un sommeil un peu éternel, et il faut combattre un sarrasin, et puis récupérer un autour qui est posé, un oiseau qui est posé sur une tour, quelque chose comme ça. Ouais, c'est un motif qui me semble assez classique, finalement. Donc voilà, on est arrivé gentiment au bout des aventures des merveilles de Rigomère. Une belle exploration de l'Irlande sur les traces de Lancelot et Gauvin. Oui, visit scenic Ireland. Ces brigands, ces merveilles, ces vicomtes et vavasseurs. Non, mais c'est assez, un texte assez classique. Ça m'a quand même pas mal rappelé Chrétien. Je pense que si je le lisais en vers, je pense que ça serait peut-être plus frappant. La succession d'aventures est assez proche finalement de ce genre de truc qui arrive à Perceval dans le Conte du Graal. Oui, c'est classique finalement. On a beaucoup d'aventures assez, on va dire, qui ont un peu ce ton fantastique, merveilleux, où on a la sorcière avec ses énormes paupières, on a les chats avec ce cercueil qui marche tout seul vers Lancelot. Ça, ce passage, il fait vraiment très livre dont vous êtes le héros. Que faites-vous avec le cercueil qui marche dessus? Je le jette dans le feu. Lancez un dé. Si vous faites 1, 3, allez à page. La pièce remplie de fauves, c'est vraiment les livres dont vous êtes le héros où tu dois te battre contre. Devez vous battre contre 30 fauves. Prenez votre dé, puis lance ton dé pendant 40 minutes. Mais non, assez intéressante, on a dit justement cette représentation un peu culture du viol, mais qui est en fait une représentation qui développe des thèmes qui sont dans cette culture chevaleresque. Comme on a dit, Lancelot dit je défends les veuves et puis les pucelles. Les femmes mariées, non, par contre, désolé. Vous êtes maltraité par votre mari, on peut rien faire, alors là, désolé. Hein. C'est pas dans mes attributions. C'est un peu de ça. Je pense qu'il y a un côté aussi qui est intéressant, c'est vraiment plus. C'est quand même plus gritty que d'autres aventures arthuriennes. On trouve beaucoup plus de brigands. Des larrons. Sauvages. Il y a le thème d'être armé, être désarmé. Il y a le fait que Lancelot, justement, à la fin, n'est pas reconnu. Il est reconnu par une cicatrice. Il était méconnaissable et enchanté dans les cuisines de Rigomère. Il y a ce thème de l'enchantement, puis de l'anneau magique, qui est quand même assez intéressant. L'anneau qui contrôle mental. Il y a quand même pas mal de choses. Lancelot Nazgûl. Lancelot Nazgûl. Non, mais c'est ça. Nazgûl de cuisine. Non, mais t'as le royaume asservi à une espèce de fée. Puis t'as ce monde féerique qui est à la fois. accueillant, donc il y a la fée qui sert la dame Laurie, qui l'accueille, qui le soigne, qui soigne son cheval, etc. Puis on se dit, oh, c'est sympa, c'est le repos du guerrier, c'est on fait beaucoup de métaphores de jeux vidéo, mais disons les trucs de Zelda où tu tombes sur une fée qui te redonne tous tes cœurs toute ta vie. Ouais, c'est ça. Et de l'autre côté, il y a ce royaume de Rigomère qui est quand même glauque, quoi. Vous avez tous ces gens qui sont asservis à bosser à Rigomère. C'est le DLC, en fait, c'est la zone finale du boss. Et puis il y a cette aventure de Cligès qui est quand même assez sympa avec ce chevalier, ce mort-vivant immortel, mais qui a quand même une plaie. Et puis quand on remet le truc dans sa plaie, il est dans son espèce de rêve où il est auprès de Morgane et de la cour. Enfin, c'est assez. Oui, c'est assez saisissant. Il y a beaucoup de motifs assez intrigants et relativement originaux. Le chevalier aux armes triples aussi, ce truc cartoon où il a trois armes. Je sais pas, ça fait vraiment méchant body horror avec trois bras. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un côté. Tu peux un peu lire de plusieurs façons, en fait. Toi, tu peux vraiment voir ça comme un truc très cartoon, exagéré. Ouais. Mais tu peux aussi voir un truc aussi beaucoup plus effrayant, quoi, potentiellement. Ouais. Donc, ouais, c'est vrai que si la technologie... Justement, quand il y a ce thème de « Lancelot a un Uber, donc je ne peux rien faire parce qu'il est protégé. » Donc forcément, si tu vois un mec qui a trois Uber, il est invulnérable. Mais c'est vrai que le côté, il donne un coup, puis il y a deux casques qui s'enlèvent et il y en a un troisième dessous, c'est quand même... Il y a quand même un côté assez comique. Non, il a, en termes d'action, il est quand même assez dégourdi. Les combats sont assez gore, mais ils ne sont pas ennuyeux, genre, malgré le fait que parfois ça se répète un peu, il arrive quand même après, je pense qu'on avait peut-être lu la version originale, effectivement, on serait peut-être un peu plus sceptique sur le... On aurait pris plus de temps pour vous la raconter avec toutes les aventures des sept chevaliers qui accompagnent. Comment, ouais, je suis toujours un peu déçu quand c'est ces versions abrégées ou... C'est vrai, même si c'est répétitif, tu peux te rendre. La répétition elle-même peut être intéressante, quoi, parce que la variation dans les thèmes. Après, ça te fait penser que ce soit littéralement les mêmes trucs à la virgule près, avec juste le nom du chevalier gratté. Puis... ça, il faudrait peut-être qu'on aille voir. Je pense le roman auquel ça me fait le plus penser, c'était un peu Imbo. Donc l'idée, voilà, on est dans une terre inhospitalière, il y a des usages particuliers. Alors ça, c'est assez classique, les usages particuliers, mais disons, Imbo, il y avait ce côté où chutent vraiment les mêmes scènes de brigands dans la forêt qui mangent de la venaison, et puis je vais leur voler leur repas, et ils vont essayer de m'attaquer. Avec Imbo qui était en tort cette fois, mais on a un peu le même genre d'univers, donc une terre aux marches du monde, qui est pas civilisée complètement, et puis le chevalier, il pénètre dedans. Non, il y a de ça, le côté un peu inconnu. Ça m'a pas mal fait penser, ça m'a fait penser un peu au roman allemand. Il y a un peu de Marie-Louise Henry compare ça au Lancelot, puis effectivement il y a un peu de ça. C'est vrai que ça renvoie peut-être à une tradition de Lancelot qui a été occultée dans les autres, où il y a plus justement d'aventures un peu, où il devient un peu un chevalier générique, un peu moins générique. Spécial. Et aussi une influence galloise, donc on avait dit le Lancelot avec le fait, on disait que dans la tradition galloise les chevaliers d'Arthur avaient basiquement des super pouvoirs, quelque chose qui s'est beaucoup perdu. Que le Lancelot reprend un peu, il y avait ce chevalier géant qui aidait Arthur à assaillir un château en les portant avec ses mains parce qu'il était un géant. Et là, on a justement cette sorcière qui fait penser à Isbaden. On a Gauvin qui est vraiment littéralement l'homme parfait qui ouvre les portes Ils disent c'est le seigneur des seigneurs excepté Dieu. Donc ils disent vraiment c'est. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. On voit une tradition de Gauvin beaucoup plus noble que l'assez mauvaise tradition qu'il finit par avoir dans la traduction prose française. Exactement. Donc c'est assez intéressant là-dedans, cette survivance. Effectivement, comme tu dis, peut-être que deux, trois éléments arthuriens qui sont un peu après... Folklorique ou gallois, je sais pas comment on va appeler cette traduction, mais en tout cas, qui peut-être ont une histoire plus longue que ça. Mais le chenry vient toujours au... Ah, l'âme du monde, les vieux contes, le folklore, lourd folklore. C'est un peu, je trouve, un peu peut-être un peu exagéré, mais il y a sans doute une tradition un peu plus ancienne qui survit un peu dans Les Merveilles de Rigomère, qui fait que c'est un récit qui vaut la peine d'être lu, comme d'ailleurs... Vous le savez déjà, si vous avez, suivant nos conseils, acquis ou trouvé par des moyens interlopes la collection bouquins le roi Arthur, légende arthurienne, le Graal et la table ronde. Voilà, donc on espère que pour cette petite reprise de Rex Condam, Rex Refuturus vous a plu. Vous pouvez retrouver sur notre site sursus.ch. Tous nos épisodes de Rex Condam, Rex Que Futurus. N'hésitez pas à vous abonner, à aller consulter, à nous laisser des petits commentaires. On essaie d'y répondre à tous. Et on espère qu'on vous retrouve la prochaine fois, normalement avec le roman de silence. Et surtout, n'oubliez pas, la quête continue.